La seule émission qui n'a pas peur d'inventer une intro à chaque émission. En live. JP Darky à la technique, le retour de l'espace. Blurko à tous, Blurko à la famille, Blurko à la team et Blurko à la commu. La commu te salue. J'ai Jean-Luc Darcy. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare. Bonsoir. Tu es notre caution au football ? Tout à fait, beaucoup de foot. Tu es une caution moins de 30 ans qui consomme. Voilà, qui consomme. On en parlera, question Minitel à venir. Oudin. Non. Mi piacciono le barbine. Mi piacciono le barbine. Io voglio starci insieme. Mi piacciono le barbine. Le barbine sono bionde. Le barbine sono amore. Le barbine sono tante. Le barbine. Contre Blourg, contre Blourg à tous, contre Blourco. Camoulox, oui. Provocation. Oui, tout à fait. Contre vous, merci d'être... Merci pour cette invitation et d'être parmi vous. Parmi vous, voilà. Roulian. J'ai un petit problème de gorge, je ne m'en voulais pas ce soir, vous m'entendez mal. J'ai trop gueulé pendant le premier quart d'heure du match de Marseille. J'ai hurlé pour soutenir l'équipe, pas comme c'est un de Mitra. Et donc, du coup, j'ai la voix un petit peu enrouée, ne m'en voulez pas. Voilà, et alors, sa voix, vous la connaissez sûrement. On l'appelle le Rachmaninov, le Christ ressuscité. Dove fuggi? In Italia, pistole e macchine. In Italia, Machiavelli e Foscolo. In Italia, i campioni del mondo sono in Italia. Benvenuto in Italia. Hola, que tal? Il est revenu. Effectivement, dans tout ce contexte nauséabond de personnes qui ne respectent pas le travail de Marc Keller, nous avons décidé de réinviter Paolo, qui est quand même le premier à avoir chié à la gueule de Marc Keller. Pas le premier, mais pas le dernier en tout cas. Voilà, et on aura peut-être l'occasion de faire, un petit Marc Keller démission. Bah, ça fait longtemps. Marc Keller rupture conventionnelle, peut-être, parce qu'il faut quand même qu'il mange. Marc Keller introduction. Voilà, je le note. Avant tout ça, beaucoup un programme de fou qu'on donnera. Et Guigues pour orchestrer. Bien sûr. On a oublié de le présenter. Le studio Guigues qui a été upgradé. Exact, ouais. On a oublié de présenter plein de trucs. On a oublié de présenter le nouveau micro. Merci Blurko pour l'investissement du nouveau micro. Ah bah ouais. Sans eux, rien n'aurait été possible. Comme avec l'équipe. Exactement. Sans Blurko. Enfin, on va pas commencer tout de suite, mais c'était pas chialé comme ça dans le temps. Pas de gros seniors, pas de tout ça. On a franchi le plafond vert. Mais je crois qu'on l'a pété même le plafond vert. Voilà. Et donc, n'oublions pas notre guide notre lumière au bout du tunnel, notre expert comptable, notre monteur de pneus, Gigas. On prend rendez-vous. Et écoute, jeudi prochain vers 5h du matin. Fallait qu'on parle clim. Ah, il faut allumer le chauffage. On en a le temps encore. Donc, un programme hyper chargé qu'on donnera pas. On voulait faire grève pendant un quart d'heure. Mmh. Et finalement, les gens font grève. De toute façon, c'est bon. Ouais. Pour tout et n'importe quoi, finalement. Ouais, genre de type. Pour la moindre contrariété. Voilà, c'est pas notre style. Plutôt que de faire grève pendant un quart d'heure, est-ce qu'on se ferait pas un quart d'heure sur le match face à Angers? Oh, mais oui. J'adore ce match. J'adore ce match. On a tous vu ce match. Oui. Ah bah oui. Moi, je l'ai vu deux fois. Il était bien, hein. Bah, il fallait, pour voir des buts, il fallait au moins le voir deux fois. Moi, j'ai adoré l'erreur défensive, en fait. Tu nous prends à froid, tu nous cueilles. Non, mais le but d'Angers, là, c'est quoi ces deux mecs qui sont. Alors, franchement, le Racing, il était censé être bon avec des jeunes gaillards, et puis il y a deux plots, enfin le centre. J'ai trouvé que ce but d'Angers était. Je comprends pas comment on peut encaisser un but pareil, mais. Mais avant ça, effectivement, on avait. Le Racing ouvre la marque, après. J'ai pas les stats, parce qu'il manque à Thor qui. La 31ème. Ouais. Merci à Thor. Merci. Oudin, le nouvel à Thor, moins cher et plus jeune. Presque. 31ème, ouverture du score. Je suis vraiment en train de. De la nouvelle pépite. La nouvelle pépite, du nouveau chouchou de la maison. Oui, très beau but d'ailleurs. Comme tout ce que fait Nanasi. Tout ce que fait Boukou. Aussi. Et là, on se dit, Angers, ils ne sont pas très bons, ça devrait un petit peu dérouler. Surtout que le match d'avant, on avait quand même dit, je crois, qu'Angers, lors du dernier match, on avait dit qu'Angers, logiquement, c'était victoire. Oui, surtout qu'Angers, ils avaient que des défaites quand ils se sont pointés sur le terrain de la maison. Tout à fait. Ils avaient pris 0 points. Donc, vu ce qu'on avait montré contre Rennes, qui était quand même plutôt pas mal pour le premier match de la saison, ça devait dérouler. Et ça ouvre le score relativement vite, donc on se dit bon bah ça va enchaîner. Et en fait non. Pas du tout, ça enchaîne pas du tout. Est-ce que vous avez une explication cette deuxième mi-temps? Moi je comprends pas comment tu mènes 1-0 et puis effectivement il y a une équipe pas très forte en face. C'est comme s'ils avaient voulu se prendre un but, enfin je sais pas comment l'expliquer, ou c'est comme si le match avait été arrangé quelque part. Alors, peut-être que lâche un pavé, mais non, mais je sais pas. Ce match, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Cette deuxième mi-temps bizarre quoi. Moi j'ai une explication. Ouais, alors peut-être parce que je suis abonné à DAZN. Ouais. Je regarde DAZN tout le temps. Il fallait du spectacle, donc ils ont dit. Tout le temps. Et ils ont marqué, Bamba Dieng d'ailleurs, a marqué à la 62e et à partir de la 60e, dans tous les matchs du Racing, DAZN dit ah ouais, mais alors le jeu de Liam Rosenior nécessite une débauche d'énergie de la part des joueurs et c'est très difficile physiquement pour les joueurs du Racing. D'accord. Ces mecs, c'est des professionnels, ils bossent. Ouais, mais là, ça a marché. C'était un match au ralenti. C'était. Moi, je pense que c'est ça. 62e, bim, le cap des 60e est passé. Ouais. Mais moi, j'ai. C'est une explication plausible. Ouais. Effectivement, on le sait, le jeu de Rosenior est très exigeant. Physiquement. Oui. Mentalement aussi. Là, on est sur le quatrième match de la saison. À ce moment-là, au moment où on enregistre, on a joué le sixième match de la saison. Bah, les mecs sont rincés. Il y a des joueurs qui continuent à valider ça, qui ont beaucoup de mal après la 70e minute. Ah ouais. Pourtant, c'est que des jeunes joueurs. Mais c'est peut-être trop exigeant pour eux, ils ont du mal physiquement. Et puis, je vous rappelle que la Ligue 1 est un championnat qu'on arrive toujours à mésestimer. Championnat d'excellence. La Ligue le vend comme étant un super championnat, mais les résultats en Coupe d'Europe nous prouvent que c'est pas le cas. Bah il n'empêche que physiquement, ça doit sûrement faire partie effectivement des 5 plus gros championnats, au moins sur la dimension physique, parce que les jeunes qui viennent de l'étranger, on le voit, ils ont vraiment beaucoup de mal à tenir le rythme d'un match de Ligue 1. La Ligue 1, pour les joueurs à l'étranger, quand ils signent en France, leurs agents et choses comme ça disent c'est un championnat physique. Ils disent pas c'est un championnat attrayant, qu'on met beaucoup de buts, c'est technique. Ah bah c'est pas technique, c'est pas chatoyant. C'est un championnat physique. C'est rien. Où, quand t'es attaquant, tu vas prendre des tampons des défenseurs et il faut cavaler vraiment 90 minutes. C'est ce qu'on disait de la D2 il y a 20 ans. Ouais. Super D2. Super D2. Et donc, bah, on va pas faire un quart d'heure hein, sur cette purge. On n'est pas capable. comme les joueurs du Racing, on s'arrêtera à 70 minutes. Vous voulez des expected goals du coup? Ah oui. Un match sans expected. Là, c'est quand même assez dingue. Hein. Angers 0-9, ils mettent un but. Et nous, 2-3. 2,3. Donc on est mal payé d'après les expected goals. D'après expected goals, on est mal payé. Par contre, on a 4 jaunes, dis donc, j'avais pas fait. Ouais, gaffe. Beaucoup de fautes. 11 fautes de notre côté. Ah, merci. Ah, ça, c'est bien. Et 14 pour Angers. C'est un match très haché. Ouais, hyper haché. Haché. Problème sur les voyelles ou quoi? Alors est-ce que ça peut pas faire partie? J'ai lu aussi sur le Schtoum, mais sur un match d'après, qui disait genre maintenant qu'on a un petit peu repéré que Strasbourg a des jeunes joueurs talentueux, est-ce que ça va pas être le jeu d'aller tamponner des mecs qui ont peut-être pas le recul pour rester dans le match ou qui ont pas encore peut-être le physique ou hacher le jeu pour empêcher Strasbourg de jouer. Ouais. Non mais si t'as jamais l'angé et t'as rien d'autre à proposer, tu peux y mettre un coup de dimension physique. Bah, je pense qu'on l'a pratiqué nous-mêmes, hein, donc bah oui. on ne serait pas. On pense encore à toi. Mais je viens de voir, j'avais pas fait gaffe que comment il s'appelle. Jean-Eudes. Non, Manu. Manu Mézac. Il touche le bois. Ça vous dit quelque chose à 80? Ah bah oui. C'est oui. Là qu'il touche l'équerre? Oui. Ou c'est un autre match? C'est celui-là. J'ai l'impression que c'est il y a un an ce match déjà, mais c'était celui-là. Woodwork, il y a marqué dans mon site de référence là. D'accord. Donc c'est bien la sculpture voilà. Sur bois, c'est ça. C'est ça. Et donc, à de 14 mètres, il tire. Il est incroyable ce site. Sûrement. T'as chaque action, quel moment. C'est Dazone, c'est ça? Oui, c'est ouais. Dazone fan. Et donc, je peux vous dire, c'était tiré à 14 mètres. Est-ce qu'on pourra avoir le lien à la radio? Non, bah, le lien s'affiche sur votre écran. Voilà, Les liens, comme les règles du podcast, les liens sont sur la description. Voilà. Mais non, parce que sinon, toutes les autres émissions qui parlent du racing vont avoir les mêmes super tuyaux que nous et ils seront meilleurs. Oui, parce que là, déjà, je trouve qu'on est au-dessus de la moyenne. Hein. Ouais. Ouais, c'est ce que les gens disent. Mais bon, faut pas se prendre les choses pour acquis. Donc voilà, un petit peu décevant. Quand même, la Médo pas contente, hein, un petit peu. Ah, ça siffle, hein. Frondeuse, moi. Ouais. Ah, j'aime bien ce mot frondeuse. Ouais. Méno qui va brûler le stade comme en 1980. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Marseille, mais c'est, on prend un peu d'avance. Ouais. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est une question qu'un type que j'aime pas mal hein, sur Racing Stube avait posé, c'est qu'est-ce qui fait plus mal aux joueurs? Les 15 minutes de ces irresponsables syndicalistes. Bon, on va pas dire gauchiste. Hein. Dubé, de silence. Islamiste, tu peux dire. Probablement. Ou les mecs qui sifflent les joueurs à la sortie d'Angers. Qu'est-ce qui est le plus mauvais pour les joueurs? J'aime bien ce type parler de ça sur Racing Club. Et si les joueurs n'en avaient rien à foutre, en fait? Parce que. Jean-Luc Darquis acquiesce. Ouais, D'accord. Merci. Parce que les joueurs sont pas payés pour dire qu'ils sont super contents de l'ambiance et ne jamais rien dire quand ils se font chier à la gueule, sauf Emega qui n'avait pas compris la première année, mais qui là semble avoir compris qu'en fait il suffisait de jouer et de pas se prendre la tête avec les gens qui sifflent. Ouais, donc, c'est quand même paradoxal. Une Méno qui siffle un match nul. Bon, contre Angers, deuxième match de la saison à domicile. Enfin, non mais le match il était quand même vraiment dégueulasse. On voit des matchs mauvais, c'était ni le premier ni le dernier au stade de la Méno. Non mais ça d'accord. Là, deuxième match de la saison avec des jeunes joueurs et tout. Moi je pense. Ah bah, on a un public exigeant. Investisseur qui nous a. De connaisseur. Qui nous a mis vraiment des thunes et un mercato aux ordres. Le mercato de la hype. Hein, il est bien. Et que le public d'un coup s'est retourné après un mauvais match. Est-ce que ce serait pas un changement de mode de consommation de la part du public? Et si le public n'avait pas sifflé les joueurs, mais les fauteurs de troubles, là, les fanatiques, là? Parce qu'il y a peut-être ça aussi. Si le public n'avait pas sifflé, l'ambiance n'avait pas été déçue de l'ambiance générale. Alors, le match en fait partie, mais... Tu veux dire l'expérience utilisateur? L'expérience client. Exactement. Et moi, c'est ma théorie, c'est que le public n'a pas aimé l'expérience avec une tête d'affiche dégueulasse. Parce que bon, Angers, on peut pas dire que c'est Real Paris ou Real Marseille. Le match, il n'y a pas eu de péripéties. Les mecs qui sifflent à la 80e pour une grève à la 15e, je crois pas des masses. Il y a un moyen de mesurer ça, tu vois, c'est de proposer à l'équipe marketing du Racing de mettre en place une notation par match avec des étoiles, des avis. Mais oui. Des avis clients. Des boutons. Des avis clients, c'est très important. Comme au chiotte à l'aéroport, tu peux appuyer pour dire si c'est propre ou pas. Je suis plus sur les avis Google, tu vois. À chaque fois, tu peux donner ton avis parce que ça, c'est très important. Et on peut compter sur les équipes marketing du Racing pour nous inventer quelque chose dans le genre. Bah, ils sont bons. Google Form. Regardez les éclats de voix. Ah, on parle pas trop fort, ça va? Ça va, on parle pas trop fort. Ah si, là, un peu, ouais. Là, on va avoir des remarques. Là, c'est la 62e, là. Bah, je note. Mais en même temps, on aime avoir des remarques, je crois. Non, mais... Ça fait jaser, ça fait des commentaires, c'est bien ça. Bah, oui, on vit pour ça. On vit pour ça. Une expérience utilisée, il faudrait des retours, les gens. Vous avez préféré quoi? La grêle? Genre la promenade de Marc Heller dans les coursives? La danse de Storky? La danse de Storky. Voilà. Mais a priori, à vue de nez comme ça, ils ont pas apprécié le match. Le match était vraiment pas bon. Ouais, les sifflets, c'était un peu le côté aussi, tout ça pour ça. Tous ces investissements, tous ces millions, et finalement vous nous servez cette merde. Ce qui est l'inverse de siffler contre la grève. En fait, quand tu lis le Stoub, parce que tout le monde lit le Stoub, ouais, bah, bien sûr. Après les matchs, t'avais le match était nul et t'as Laia Brozeyor qui en prend un petit peu en disant putain mais à un moment donné il est déjà lisible par tous les adversaires. Deuxième match à la Méno, des mecs comme Angers avec un tacticien en face, je sais même pas qui était l'entraîneur d'Angers. Ils n'ont pas d'entraîneur, c'est un jardinier intérimaire. Ouais. Peter Reichert, non? Et il a réussi à déjouer les plans de Rosenior. Alexandre Daugeux. Voilà. Il veut du jeu. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y avait des commentaires comme ça qui disaient que ouais. Bah finalement Rosenior, bah ouais, quelque part il se caricature déjà lui-même, ça va. C'est marrant parce que le prochain match à domicile, dont on parlera après, c'est l'inverse. Donc en fait c'est vraiment la hype, c'est sinusoïdal, c'est vraiment tout en bas ou alors tout en haut, quoi. Ouais. Il n'y a pas de demi-mesure, quoi. Si des gens consommaient et qui commentaient sur Twitter. Genre tu regardes un épisode de ta série préférée sur le réseau préféré, et l'épisode 4 il était nul à chier, bah par le 5 j'ai adoré. Non mais vous ne découvrez quand même pas que le foot est devenu un produit de consommation en 2024, c'est devenu un divertissement qui se monnaie, et voilà, c'est comme ça, nous on est des fans. Ça se monnaie pas très cher en ce moment. Ben non, mais parce que voilà, c'est la crise, monsieur. Ouais, mais monsieur, c'est les pirates. Pirates, ils ont volé notre set. Exactement. Mais je pense que la différence par rapport à moi, c'est que tout le monde après peut s'exprimer, mais y compris nous. Mais c'est ça qui est bien aussi. Après le foot, c'est. Alors maintenant, ça se fait sur internet. À l'époque, c'était au bistrot, dans la rue, machin. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Ouais. C'est comme ça, hein, voilà. On s'exprime, il faut écouter la vie des autres. Tout à fait. C'est ce que je ne fais pas, c'est ça. Pas toujours, globalement, c'est pas toujours le cas. Dans la communauté du Racing, on s'écoute pas trop les uns les autres. Ouais. Eh bien, écoutons le prochain. La transition. Écoutons le prochain match. Tout à fait. Le Racing se rend. On va à Lille. Une partie. Après la braderie. Après la braderie. Qui a fait la braderie? Le Racing était encore à la braderie les 20 premières minutes. C'est un gros. Alors, qui a vu ce match? Roulian. Je l'ai vu. La famille d'Arki. On l'a vu. Moi, je l'ai vu à la télé. Moi, j'ai vu le replay. Alors, Jean-Luc, peut-être l'avis de Jean-Luc. Je suis sûr que Jean-Luc va nous développer un résumé un peu crédible, parce que nous, on raconte que des conneries. Ouais, c'est compliqué, un résumé crédible, mais au final, 3-3 pour Lille Strasbourg, dont 2 buts en seulement 26 minutes. Voilà. Moi, je trouve la défense de Strasbourg particulièrement en retard sur beaucoup d'actions, notamment au début. Sinon voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Mais comment tu expliques la réaction? Parce que là t'as quand même Racing qui se prend un début de match catastrophique, et là d'un coup résurrection, bam, ça repart. Comment c'est possible? Et Lille, c'est pas non plus la petite équipe. Je pense que c'est une bonne réaction du coach et de l'équipe. Je trouve qu'on a vraiment un bon jeu offensif qui s'est bien vu sur le Strasbourg et le match d'après dont on parlera après, mais qui a fait que on a réussi à peu près inverser la valeur, et une défense qui jouait plus sur les marquages. Alors qu'au début, on avait vraiment du mal, je trouve, à marquer des joueurs. Ouais. Bah là, ça s'est vu contre Angers. Il n'y a pas de marquage sur le but, notamment. Ça m'a choqué. Là, au moins, il y avait peut-être une reprise en main au niveau défensif. Là. Et ce qui fait qu'après, au niveau offensif, ça a pu dérouler. Pardon. Non, pas je parle trop, je tais. Non, pas du tout. Je voudrais déshériter cette personne. Ah bah, il vient de parler de foot là. Pardon. Ouais, bah, continue, hein, mais moi je me désolidarise complètement. Alors, moi j'ai lu sur l'excellent site RacingStool.com que Lille avait au dernier moment modifié sa tactique habituelle. Preuve de respect pour la Moisenne en disant c'est un bon jeu tellement puissant. J'adore le concept. Les mecs ont dit Strasbourg joue tellement bien qu'on va changer nos plans et je l'ai lu. Ouais, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Enfin, il me semble que Bruno Genesio a prêté allégeance hein, à Liam dans le couloir. Il a plié les genoux. Il a plié le sang. Il a plié les genoux et. A priori, les gens qui regardaient le jouer. D'accord. On dit qu'il y a eu une adaptation de la tactique de Ligue et du coup, ce qui a gêné le Racing en début de match, qui explique le 2-0 très rapide. Eh ben. Moi, j'étais à la vélo pour voir les féminines du Racing qui souhaitaient leur premier match de première division. Arkema. Et avec leur premier but. Je ne sais pas si c'est Arkema. J'ai aucune idée. Je te parle du nom de la division, ça. C'est pas une. C'est Stéphanie Arkema. C'est ça. Non, mais j'aime ma banque. C'est pas McDonald's la division maintenant Non, chez les filles. Non, chez les filles. Hein. Ah, c'est non, elle va pas avoir le même son de sang. Du coup, j'étais en train de regarder le match, je l'ai vu qu'après la séquence sur un site jeu. Parce qu'il était bien le match des féminines. Enfin, si, oui. Est-ce qu'on va se maintenir? Est-ce qu'elles vont se maintenir? Alors, peut-être qu'ils vont se maintenir. Parce que là, elles ont pris une tollée pour réussir. C'était un peu difficile. Noguera fait aussi son apprentissage du haut niveveau. Le premier match c'était 1-1, on peut en parler vite fait. Le deuxième match c'était 6-0 à Lyon, ce qui est quand même un petit peu plus difficile. Donc là c'est les filles là. Revenons pas au début. Mais ensuite j'ai vu un Racing à réaction. C'est vrai qu'on pourrait parler des filles, ce serait mieux quand même. Non, je suis pas sûr. Non. Encore ce diable de Nanasi qui est dans les bons. Est-ce qu'il salue le cop à la fin du match Nanasi? Quel match? Ben, les matchs, là. En général. C'est dans le contrat. Parfait. Le but de Nanasi est vraiment très très beau. C'est franchement sur les deux trois dernières années. Ouais, les deux trois dernières années, c'est un des plus beaux que j'ai vu. C'est Moreira qui relance de la tête sur Nanasi, qui fait un relais avec Emega, qui remet à Nanasi, qui remet à Emega, et Emega le remet dans la double 2. Faites ça. Allez, ouais. Non, celui-là, ouais, bravo. Franchement, celui-là, il était beau. Le gros regret à Lille, je pense, c'est l'action de Bakwa. On joue très bien en transition. On envoie Bakwa tout seul au but. On a une balle de 4-2 qui est énorme et Bakwa, comme depuis le début de saison, c'est pas le Bakwa qui portait l'équipe sur ses épaules l'année dernière, parce que c'était le seul joueur un petit peu excitant sur le terrain et il y en avait 10 autres où c'était vraiment très moyen. Là, j'ai l'impression, je pense pas qu'il a régressé, mais je pense que c'est les autres à côté qui sont un peu meilleurs. Et du coup, là, Bakwa il croque l'occasion et après on a Senaya qui rentre et qui nous fait, il a pas de cerveau quoi. C'était la faute qu'il fait, elle est impardonnable, c'est une faute professionnelle. Le mec est tout seul dans un angle de la surface. Tu vas pas tenter de lui prendre la balle, tu le contrôles, au pire du pire il centre, mais tu l'es. Là, évidemment, dès que tu l'effleures, le mec il se jette comme une grosse merde et il y a pénalty quoi. Ouais. C'est vraiment... C'était grossier, vraiment, moi j'ai trouvé ça dommage parce que c'était tellement... Là aussi c'était presque scénarisé avec des manières exagérées. Parce que le Lillois, je sais pas. Il y croyait même pas. Pour moi, le match de Lille, si vous voulez, je le mets dans la même catégorie que le match à Lyon, même si à Lyon on avait perdu. L'occasion manquée. Globalement, on a... Ces deux matchs, on met 3 buts à l'extérieur et on ramène pas la victoire. Ce qui est quand même rare, quoi. Et ça, c'est 2 matchs de suite. Et c'est journée porte ouverte où c'est porte ouverte en attaque, on fait à peu près ce qu'on veut ou presque. On peut renverser des situations complètement compromises. Et en même temps, en défense, on est d'une naïveté des fois. Mais c'est à mettre en rapport, je pense, avec la jeunesse de l'effectif. Mais grâce à Blouko, on a des émotions. Oui, mais ça, c'est vrai. Ça, et grâce à la jeunesse. En fait, c'est la jeunesse. De l'équipe et la foule qui en fait te fait passer 20 minutes horribles et tu te prends 2 pions à Lille, t'en prends mais après tu peux renverser la vapeur en marquer 3 et après de nouveau hyper naïf et te faire baiser sur la fin du match. En fait tout ça c'est la conséquence de la jeunesse. Cette équipe est bien plus intéressante à voir jouer que celle de l'année dernière. Et Blouko pas Blouko, c'est même pas le débat. Et en fait t'as aucune clairement voilà. clairement, elle est beaucoup plus intéressante à avoir joué. Là, du coup, je peux faire mes 5 minutes chiantes que j'ai déjà fait la dernière fois où j'étais là. Vas-y, fonce. C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, oui, Blouko nous a ramené des jeunes joueurs. Sportivement, ça a l'air beaucoup plus marrant et on s'emmerde moins quand on n'est pas ivre mort. Moi, j'ai rien compris à Marseille. Mais on s'emmerde moins que d'habitude. Mais ça n'a aucun rapport avec la question du fait que la multipropriété, c'est un scandale. Ouais. Voilà. Mais non, mais il faut séparer deux choses. Mais il y a, non, mais c'est les gens qui comprennent pas. Sur... Il y a plein de gens. Non, mais les gens ils comprennent pas. Qu'est-ce qu'ils comprennent pas En disant, mais oui, mais regardez, on joue bien. Oui, mais ça n'a pas de rapport. Mais ça n'a pas de rapport, donc ils comprennent rien. C'est qu'il faut, réfléchir. Alors, c'est que voilà. Ça a un rapport, c'est pour pas qu'ils nous disent, on est des abrutis, mais là quand même, ça a un rapport parce qu'on a plein de pognon et donc on a des bons joueurs. Ok. Non, l'opposition. On a plein de pognon et on a acheté des masses de joueurs. Et donc sur cette masse de joueurs. A priori, on est au sixième match de la saison au moment où on enregistre. A priori, il y a des joueurs qui sont effectivement très intéressants. Mais sur la masse de joueurs, il y a aussi des joueurs qui jouent en équipe 2. Oui. Et il y a des gens qui ne vont jamais ressortir. Voilà. Donc, c'est pas non plus. Donc, sur la masse de joueurs, j'ai envie de te dire. Heureusement. Ouais. Heureusement. Tu vois, heureusement, si avant tu as du pognon et tu commences à acheter plein de trucs, plein d'entreprises, des parts d'actions à la bourse et tout. Heureusement, de temps en temps, il y a des actions qui montent à la bourse, quoi. Ouais. Que t'as pas acheté. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est, mais c'est de la bourse, là. Ce que l'achat de joueurs, là, le sens du recrutement, c'est comme à la bourse. Après, ça n'empêche pas que une fois que les joueurs sont sur le terrain et jouent ensemble et qu'il y a un ballon et qu'il y a un arbitre et qu'il y a ci, il y a ça, ça peut être plaisant et l'alchimie et peut se faire parce qu'il y a un chef d'orchestre qui est pas trop mauvais, qui est l'entraîneur. Mais il faut séparer les deux, ça, c'est sûr. Voilà. Si les gens comprennent pas ça, bah, ils ont rien compris. Compris au foot qui est en train de se jouer. Les matchs du propriétaire. Mais bien sûr. Voilà. Et sportif. L'homme de l'artiste. L'investisseur. Voilà. Et totalement. Et d'accord avec ça, c'est que parmi les joueurs, il y a des joueurs qui, a priori, ont un super potentiel et qui vont peut-être le confirmer. On a un entraîneur sur le banc de touche qui est plutôt rafraîchissant. En conférence de presse, il change de la langue de bois habituelle qu'on avait. Sortait de la tisane. On sortait de l'orée, notamment Stéphane et tout là où c'est toujours un peu la même chose qui revient. Très rafraîchissant. Voilà. Donc là, on a un peu rafraîchissant dans la proposition de jeu. C'est rafraîchissant, donc c'est intéressant. C'est intéressant. Mais ça n'a rien à voir avec les mecs qui ont mis ça en place. Et la question de la multipropriété. Et est-ce qu'on peut pousser le bouchon jusqu'à dire que chez les joueurs aussi, parce que c'était une des craintes ou c'est un des problèmes de la multipropriété, c'est qu'il y a quand même des gars qui sont contents d'être là et qui kiffent de jouer sur le maillot du Racing. Bah, ils ont l'air. Et on parle de Doucouré, c'est ça. Il y a clairement des joueurs qui jouent à fond. Qui jouent à fond leurs possibilités en se disant. Et ça, c'est pas en rapport avec la Coupe. Il y a souvent été, Strasbourg est un club tremplin. Qui peut servir de tremplin, et c'était déjà le cas avant la multipropriété, ça sera le cas maintenant en pleine multipropriété. Et Nanasi clairement s'est dit, je viens d'un championnat relativement mineur, la Suède, je vais dans un des 5 grands championnats, mais sûrement pas le meilleur, et si je performe, ça va m'ouvrir une possibilité. Il y a des joueurs qui font la gueule, Petrovic, c'est une minorité publique, il n'avait pas envie de venir. Même les Danalans. C'est clair et net. Il en profite, il va essayer de maximiser quand même sa présence aussi, de jouer un maximum de matchs et de faire quand même des bonnes prestations, parce qu'il sait très bien que s'il veut jouer après, il faut qu'il fasse des... il joue 30 matchs, mais il est nul à chier. Il y a des joueurs qui... Et donc, entre deux eaux, quoi. Il faut être clair, parce que c'est des arguments qui sont compliqués à entendre. Il est tout à fait possible d'être contre la multipropriété, de se réjouir des résultats du Racing, de ne pas vouloir que le Racing perde, et d'être heureux de voir du beau jeu. Je ne comprends pas l'argumentaire, en fait. Qui consiste à dire, ah oui, mais et alors vous allez faire quoi? Si on est qualifié pour la Coupe d'Europe, ben on sera très content. Mais après là, il faut aussi voir qu'on est dans un grand n'importe quoi généralisé. Ça, pour aller un peu à l'encontre de ce qui peut être perçu comme du Disneyland, tout ça, ça reste quand même une situation totalement erratique où t'as des mecs qui arrivent, tu sais pas d'où ils viennent, des joueurs de l'équipe qui fait 21 ans de moyenne d'âge, t'as un mec, un anglais, j'ai rien contre les anglais, voilà, pourquoi pas un anglais, mais ça peut être un belge, un espagnol, un ouzbek, on a des joueurs, un suédois, pourquoi un suédois, on sait pas, donc c'est une grosse kermesse. Là, sur le terrain, il n'empêche que c'est des joueurs qui ont l'air sincères, c'était dans le sens qu'ils aiment le football, ils ont l'air d'aimer le football, ils aiment jouer au football, donc ils se font plaisir et voilà, ils jouent plutôt bien pour l'instant. Maintenant, tout le décor, tout ce qu'il y a autour et la mise en place, la mise en scène de tout ça, elle est lamentable. Elle est lamentable parce qu'on comprend rien et qu'il y a des intérêts souterrains qui ont pas l'air d'être très sincères pour le coup. Alors que les supporters sont sincères, le public est sincère, que ce soit ceux qui aiment la grève des UB ou pas. Mais il y a une sincérité de certains acteurs qui n'est pas la même que ceux qui mettent ça en place. Bon, c'est vrai que beaucoup, on sait pas d'où ça sort, mais bon, c'est du show, quoi. C'est devenu du show, et ça n'est plus. C'est qu'avant, le foot a démarré en étant un jeu, après c'est devenu un sport, après c'est devenu un divertissement, et maintenant c'est un business généralisé. Bon, bah, il faut être à l'aise avec ça, quoi. Il faut pouvoir accepter ça, quoi. Tu notes ? Note ça. Je l'ai répété devant la glace, celle-là. Hein, donc, jeu, sport, divertissement, business. Ouais. C'est ça. Alors, moi je dirais que divertissement, business, ça va de pair. Sport, c'est le côté un affrontement ritualisé, physique, etc., qui met en place des identités. Puis derrière, divertissement, c'est juste ça peut être regarder une série, ça peut être séparé, quoi. Ça devient puis le business, bah c'est vrai que c'est un truc mondialisé, c'est un truc qui a des intérêts, des capitaux, des gens qui on sait pas d'où ils sortent, et puis on sait pas qui ils sont. Hein. Tu parles des gens qui répondent dans la presse et qui sont anonymes, ouais. Par exemple, qui déclarent. Alors celle-là, j'ai toujours vu personne qui a réussi à m'expliquer, donc nos investisseurs, plus de 60 millions en mercato, c'est ça, et qui nous déclarent anonymement dans les journaux, parce que c'est bien de ça qu'on parle, donc quelqu'un qui n'a pas osé sortir du bois et qui dit l'Europe ou la mort. Ouais, c'est donc ça. On parle de mecs qui ont investi et qui ça, c'est McKinsey, ça, c'est l'intelligence artificielle, c'est des slogans. Non, mais c'est les mêmes, c'est les mêmes qui, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Un investisseur qui pèse 60 milliards d'euros, a priori, si jamais on n'accroche pas la Coupe d'Europe, le club est liquidé, c'est ça que ça veut dire? Non, mais ça c'est un slogan. C'était... pour claquer, comme ça claque. C'était surréaliste, claque. Ce truc. Ouais, c'est peut-être un mec qui est vraiment profondément passionné par la construction européenne. Et qui, devant les pays qui font le concert, dit c'est l'Europe ou la mort. Et j'ai une autre idée. Parce que c'est un mec anonyme. Si ça se trouve, c'était qui DDN Coquille, c'était qui un trans. Le journaliste, on sait pas. Si ça se trouve, c'était un journaliste DDN qui devait rendre un papier le lendemain, qui était ivre mort dans un troquet, et il y a un mec anonyme qui lui a dit alors. De toute façon, c'est l'Europe ou la mort. Et puis on fait, oh putain, ouais, il y a un homme. Merci Roland. On sait pas ça. Ah, c'est possible. Non, mais après, pour devenir sérieux, c'est incroyable que le truc quasiment le plus concret qu'on ait eu dans la presse, venant de sources qui devraient être le club, c'est un mec anonyme. C'est délirant. C'est pas délirant, c'est la manière de gérer. Les mecs sont jamais venus au club, à part Iqbali qui est venu deux fois, juste une fois pour boire une coupe de champagne, et là, il a pas croisé ses employés, rien. Et donc c'est les mecs, ils osent même pas, ils répondent même pas à la presse locale pour donner c'est quoi l'état d'esprit, ça les intéresse pas. Mais même national, je suis pas sûr qu'ils aient répondu un jour. Alors anonymement. Ouais. Oui, mais alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce qui se passe au Racing là, ça se passe dans des tas de clubs dans le monde, en Europe. Où il y a le même schéma, où t'as des mecs qui arrivent et tu sais pas qui sont. C'est pas rassurant pour autant. Non, c'est pas rassurant. C'est comme quand ton gosse il rentre de l'école, il a eu un 2 sur 20 et il dit ouais, mais la moyenne de la classe c'était 1. Ouais, c'est cool, mais c'est quand même pas terrible. Oui, ah bah non. C'est pas rassurant. Je t'avoue que je préférerais un autre foot, quoi. Il y a peut-être des gens qui s'imaginent que c'est au Racing, c'est comme ça et que c'est un cas un peu unique à part. Non, non, c'est. Alors peut-être pas en France, je sais pas ce qui se passe en France. Si, la multipropriété. Parce que pour moi, c'est Strasbourg et Racing, c'est Racing. La multipropriété, mais est très présente en France. Elle est devenue très présente. Des supporters qui essayent de contrer ça ou qui essayent de dénoncer ça. Ouais. Il y a des embryons. Les plus actifs, on va dire que c'est quand même à Strasbourg. C'est nous, ça se passe. Mais il y a des embryons, il y a des clubs pour lesquels aussi les modèles de multipropriété sont complètement différents. Quand tu es dans un modèle de multipropriété et c'est toi qui es au sommet de la pyramide, exemple l'Olympique Lyonnais, qui est un match qu'on a joué il n'y a pas très longtemps, ça peut biaiser ta vision en fait de la multipropriété. Quand c'est toi qui est en train de tirer les marrons du feu, bien que je viens de lire il n'y a pas plus tard qu'une heure que l'Olympique Lyonnais avait 20 millions d'euros de dette fournisseur, ben voilà. Et qu'ils sont en train d'étaler la dette. C'est un autre débat. passons, mais ils sont quand même au sommet de la pyramide, donc ils peuvent se dire que eux, ils voient les avantages. Quand tu es à Chelsea, tu es supporter des Blues, peut-être que tu vois d'un très bon œil qu'on ait acheté un second club qui permet de d'y développer des pépites et que toi, tu vas pouvoir... En fait, c'est de la colonisation, quoi. Bah, c'est le colonisateur qui... J'aurais plus dit du parasitage, moi. Parasite mais non, mais... Alors, on va revenir pour, à la Genre, sur le match de Lille, on est d'accord qu'on n'a plus rien à dire. Martine Aubry, peut-être, un truc... Pierre Mauroy, plus. Bakua, son occasion, c'est... Un bon match, mais frustrant. Et Bakua, son occasion, c'est 0,5. 0,55 XG goals. À lui tout seul, quoi. Expected goals. Eh ben, écoute, on a 3, quelque chose pour le Racing, donc on est pas mal. 3,2 et 2,6 pour Lille. Mais Bakua, encore une fois, à lui tout seul, 0,55 sa dernière action là. Ok, et là je vous propose, justement, avant de s'enflammer sur des sujets beaucoup plus importants que j'ai listés. Ah, on a raison. Dans cette enveloppe. Ça s'affiche à l'écran. Hein. Voilà, ça se met sous votre écran. On peut parler du dernier match. Qui, pour le coup, après le match de Lille... En prime time. Donc, on se dit quand même, là, cette saison, j'ai envie de voir ce que donne l'équipe face à Marseille. Marseille qui vient avec un peu le vent dans le dos. Invaincu. Alors après, c'est du spécial Marseille de croire qu'ils vont être champions après 3 matchs en début de saison et de faire une saison merde. Mais ils arrivent bien lancés. Nous, on se dit qu'il y a du potentiel. On se dit, bah, là, c'est le révélateur. Hein, c'est le révélateur, c'est pas la palette à Dudu, puis il y avait un truc sur Canal+, tout pourri. Non, là, c'est le match révélateur. Le match était sympa. Ah, oui, je me souviens pas de tout, mais oui. Alors, attends, ça tombe bien, parce qu'il y a le mec qui t'a ramené à la maison, qui... Ouais. Jean-Luc Le match, c'était sympa, mais un peu frustrant, parce qu'on a quand même pu mettre plus de buts au final. C'est beaucoup d'occasions ratées des mégas. C'est clair, je suis d'accord. Voilà les clients, voilà. Mais ce qui est difficile avec les mégas, c'est qu'ils jouent très bien... Jusqu'au moment où ils se vendent. Mais il est nul quand là, même. Il est bon, mais il est nul. Il passe à côté. Incroyable. Donc c'est pas facile, mais il fait ce qu'il peut, mais il peut peu. Donc un but à la 39e minute de Moreira, sur une passée de Nanasi, très mal amenée. Et bon, super mouvement. J'ai revu ça, j'ai re-regardé lundi matin, tu dis, j'ai quand même envie de revoir le but. Et en fait, tout est beau, tout est bien, sympa. Après, un peu chanceux peut-être. Ouais, il l'avait bien. Mais après, globalement, une très grosse première mi-temps. Ouais. Où, à part, il y a une frappe de Greenwood à la 44e sur un corner de Marseille. À part ça, Marseille n'a pas existé en première. Et on a, entre la frappe, donc le but de Moreira, il y a une autre frappe de Nanasi, une frappe de Bakua, il y a une tête des méga. Enfin, Jean-Luc Darquet, elle est à les stats, non ? Ou pas. Pas à ce point, moi j'en ai, mais poussé, ouais. Moi j'ai les XG déjà. Ah non, sinon tu peux inventer. Hein. Ouais, non, mais on a 1,31 d'XG contre 0,50. Ouais, il y a eu. On se fait niquer au XG, hein, ouais. Depuis début de saison, devrait être champion. Exactement. Et Mega, effectivement, a une grosse occasion à 0,38 XG. Il en a eu plein. C'est sur une grosse passe de Moreira, il se présente tout seul devant le gardien. Et au lieu de faire soit la passe à Bakua, soit se rapprocher, il essaie de frapper à 18 mètres. Bon, il frappe bien, mais le gardien, c'est un jour de face à face, et voilà, ça n'a pas tourné en sa faveur. C'est vrai. Ouais. Mais ouais, globalement, ça a bien joué, et surtout... C'est pas faux. Alors, non, mais il y a un truc, moi, qui m'a surpris, et c'est et là, je pense que Rosenior s'est réinventé, c'est que il a démarré le match avec ses principes habituels, pressing haut, il joue toujours avec quand même deux ailiers en avant-centre, voilà. Fin de match... Il sent que les mecs sont cramés. Nanasi, pareil, encore une fois, j'en revenais à celui que je disais, quel joueur. Nanasi, 70e, il a disparu. Ouais. Même 60e, il a disparu. Corps et âme, on le voyait quasi plus. Et ben, il fait des changements aux seniors et il fait rentrer la défense. Il fait rentrer Silla, il fait rentrer Senaya. Ouais. Et donc, du coup, il se dit, là, on va essayer pour une fois de gérer un clean sheet et de pas prendre de but. Donc là, c'est complètement différent par rapport aux 5 premiers matchs de la saison où, quand il est à Lille, il est à 3 partout, il veut encore arracher le morceau, ou à Lyon, il veut arracher le morceau. À 3 partout, t'es à 3 partout, t'as un point, alors que si tu marques à 4ème, t'as 3 points. Donc là, il avait 3 points, je dirais que c'est pas. C'est de la logique. Pas forcément, parce qu'on avait le match en main, individuellement, on les maîtrise. Et moi, c'est au contraire des tribunes, ça me dit merde, pourquoi là maintenant on veut changer et pourquoi on veut reculer. Effectivement, il y avait des joueurs qui étaient cuits. Mais ça m'aurait semblé plus logique de faire des remplacements poste pour poste et de continuer parce que ça marchait bien. Marseille, Rabiot rentre, il fait la passe sur Mopé qui effectivement Petrovic l'arrête. C'est ça. 1-0, t'es quand même pas totalement à l'abri. D'accord, mais le rôle d'un coach, c'est c'est aussi de faire des remplacements, pas forcément du poste pour poste, parce que sinon, il suffit à chaque fois de... Là, il n'y a qu'à appliquer le schéma. Et derrière, mais là, sur ce match-là, derrière, de, pendant 20 minutes de mettre le bus, je me suis dit, ouf, ça, alors, ça peut être long. J'ai lu sur l'excellent site Racing Show. Alors. Mais c'était déjà, je crois, c'était Knack 90, j'invente, hein, Knack 90. Vous savez qu'il y a un magasin de Knack-Knacky qui a ouvert en face de la cathédrale. Bon, voilà. De quoi, un magasin qui vend, qui vend des juste knacks. Des Knack en cornet. Des Knack. Voilà. D'accord. Bref, passons. Je crois que c'est quelqu'un. Non, qui dit qu'en fait, déjà à Lille, il a été déçu par les. Là, je crois qu'il n'a pas encore analysé, il était déçu par les changements. Et qu'en fait, le banc n'a pas. On a quand même une. Une scission, enfin il y a un gap. Il n'y a pas une profondeur de banc folle. Un fossé entre les joueurs qui performent et où, comme tu dis, parmi tous ceux qu'on a pris qui sont très bons, et ceux sur le banc qui n'apportent pas grand chose, qui sont un ton en dessous. On n'a pas deux équipes malgré tout. Il y en a un qui pour l'instant reste en travers de la gorge. S'il a coûté 12 millions d'euros là, cet été. Alors clouons-le au pilori. Et c'est Mara. Et Mara, il remplace Mega, qui est quand même pas incroyable, qui nous gâche 3-2 gars, même si Ali il était très bon. Et là, Mara, à chaque fois qu'il rentre, c'est Fantomas. Hein, c'est Fantomas bis. 12 millions d'euros, c'est faut lui laisser. Quand il a signé à Strasbourg. Faut lui laisser du temps, peut-être. Ouais, il a signé, putain, mais on nous a fait des trucs dans, sur les réseaux, comme quoi, putain, c'était un merci beaucoup, merci de ce mercato, merci. Le mec qu'on n'aurait jamais pu s'acheter et tout. Pour l'instant, vu ce qu'il présente, effectivement, c'était même pas la peine de C'est comme c'est comme Diego Garay à l'époque. Ah non, mais Diego Garay, Hector. C'est Koumara sur le match à Marseille. Est-ce que tu pourrais dire combien de temps il a joué? Moi, je dirais 10 minutes à venir. Une minute. Ah ouais. C'est déjà pas mal. À la 89e, il est rentré. C'est dire qu'il n'a pas convaincu le coach. Non, j'ai l'impression. Quand le mec joue une minute par match, c'est que le coach qui doit le voir tous les jours à l'entraînement ne doit pas être convaincu. Pour relativiser, c'est Naya à jouer. C'est un mort vivant, un mara vivant, peut-être. Enfin, il revient. C'est le mec qui s'est chié dessus en Angleterre et qui tente de se relancer dans le championnat de France. Ouais. Donc, c'est le profil qui peut rapporter, mais qui n'est pas. Tu vois, c'est pas garanti. Trop cher, donc on n'aurait jamais pu, mais du coup, ça aurait pu être un profil de l'époque. Le mec qui veut se relancer, qui est sur un... De l'époque Keller, mais c'est encore l'époque Keller. Ah merde, oui. Non, mais on le ruant prêt à l'époque. Oui, comme un Martin, comme... Après, genre, c'est vrai que moi j'ai toujours du mal, déjà à l'époque du Paris Saint-Germain, en fait, quand on surpaye un truc, tu payes deux fois un prix et tout le monde applaudit. Genre, en fait, c'est juste con. Mais moi, quand je vais au restaurant, je ne demande pas à payer le double de l'addition pour dire au voisin, t'as vu ? J'ai pris la dernière choucroute, je prends le même prix que tout le monde. Les gens n'y voient que du feu, les gens sont si bêtes. Non, c'est pas j'aime c'est, pas ce mec. C'est pas vrai. Pablo, j'aime pas si. Non, mais c'était ironique. Ouais, Est-ce que les gens sont si bi? Non, c'est. Je le dis pour les gens qui. Est-ce que ce monde est sérieux? Oui, comme pour citer l'artiste. Alors, sur ce match, bon, alors match de Marseille. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, l'attentat des ultras sur Petrovic. Ah ouais, mais oui. Ah ouais. Moi, je le condamne. Moi, je condamne. Pas moi. Apprenez à viser. Pas moi. Tirer à côté, c'est n'importe quoi. Non, mais. Mais balancé par son propre gardien, parce que ça s'est jamais vu. Alors, il y a plusieurs alternatives. Hein. On pourrait essayer d'expliquer ça. Il a reçu des instructions d'en haut. C'est possible. Les ronds de cuir. Ah, c'est très haut. Très, très haut. Pour dire. C'est Zubé, ils nous emmerdent. Des mecs anonymes qui vont appeler. C'est ça, des mecs anonymes au troquet, là. Ouais, c'est pas possible, c'est Zubé, c'est gauchistes qui font des grèves. C'est gaz de schiste. Ouais, dès que tu peux, ils ont tous les joueurs en cette instruction, tu les fous dans la merde. Et là, c'est un truc pour. Clairement, si le Racing doit payer 10 000 euros d'amende à cause des Zubé, imagine. Parce que là, il a fait un rapport. Là. 10 000 euros, c'est quasiment un joueur. Hein. Bah, et pourquoi ce serait pas le KCB ou le CCS ou, On ne sait pas, mais tous ces gens, de toute façon. Les punks gothiques, ils sont toujours là, apparemment. Ils sont cagoulés, les mecs. En plus. De toute façon, c'est des Corses. Bah, ils n'ont pas la confiance en plus. De toute façon, c'est des Corses. C'est Antonetti. Ouais. Donc, ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, je l'ai oublié. Et la troisième, c'est qu'il est. Ah oui. La deuxième possibilité, c'est. Il se rend compte à ce moment-là que Strasbourg est un peu. Tu sais, quelqu'un a évoqué ça. Un peu dans le moins un bien. Un peu dans le moins bien. Tu vois, genre à la 15e, ils sont déjà dans le dur. Dans la 60e. C'est ça. C'est la 15e. Non, mais c'est la 15e, mais ils sont déjà dans la 60e. Ouais, ils sont dans le dur. Ils sont dans le dur. Donc, ils disent, bon, on va calmer. 60e seconde. On va simuler une blessure, je simule des jets de projectiles. Et... Ah ouais. Ça, c'est la deuxième option qui est un peu marrante. Un peu surréaliste comme ça. Un peu calme. Ouais, mais. Et alors la troisième, qui, je l'avoue, est ma préférée. est-ce qu'il serait pas complètement con? C'est possible. J'ai pas dit c'est sûr, mais le mec, c'est il sait pas que le type derrière lui, c'est les mecs de son club. J'ai fait ah putain, mais ils sont hyper nombreux le déplacement. Le parcage marseillais, c'est toute la tribune. Surtout que c'est pas sa culture en fait. En Angleterre, il a pas ça. Oh, ouais, mais il est serbe le mec. Il s'est fusé dans sa vie. Il s'est pris des missiles sur la gueule. Là, il danse à Jérusalem, le mec. Ils sont fous. Van d'actualité. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'ils veulent, monsieur? Ah, voilà. Il veut boire un coup. Parce que il a raison, il a raison. Voilà, donc c'est les trois possibilités. Mais si vous en voyez d'autres, bah, écrivez au standard. Bah, j'en avais, mais j'ai oublié maintenant. On pourra en reparler. On pourra ouais, reparler. Ouais. Donc c'était ubuesque. US. Bon, voilà. Qu'est-ce qui. Voilà, Jean-Luc, les gens ne savent pas où écrit des conneries sur le réseau. Et donc, à la fin du match, quand même, tout le monde est content. Ouais, souvent, le public est content. Ouais. Les joueurs sont contents. Souvent, quand il y a une victoire, t'as remarqué ça. ça marche mieux quand il y a des victoires. Ouais, moi, je m'attendais à ce que tu sais, les gens se tapent entre ceux qui veulent que le Racing perde et ceux que le Racing gagne. Bah, les UB qui veulent que le Racing perde, bien sûr. Et en fait, tous les joueurs, ils étaient logés. Alors, est-ce qu'on a le droit de dire que Petrovic a jeté son maillot aux ultras? Ouais. Oh là, oui. Et j'ai entendu des mecs qui disaient renvoie-lui. Et il l'a gardé. C'était toi, ça. Du coup, il est pas rancunier quand même pour les projets qu'il a. Bah oui, il est complètement con, il a déjà oublié. Ou alors c'est la théorie 3, il a oublié. Imagine. Vous vous rappelez de cette histoire, il y avait une fois un gardien qui avait un petit couteau dans son short et il s'était coupé en faisant croire que c'était un projectile, un truc comme ça. C'est un truc qui a vraiment existé. Le mec, c'est auto-scarifié. Non, mais c'était où il avait un petit. Il a fait croire qu'il avait qu'il s'était pris un projectile coupant, donc c'était peut-être un coup. Si, ça va pas. Vous retrouvez ça sur vos réseaux sociaux là en tapant sur Minitel, enfin Internet. Et, ça s'affiche sur le téléphone. Et je sais plus. Si, alors je sais plus. Non, je sais plus du tout, mais ça a existé quoi. C'est une simulation de blessure par projectile. Je suis sûr, ça a existé. Et je suis sûr, tu vas retrouver parce que sinon après, les gens vont croire que je raconte des conneries. Non, jamais. Si je tombe, ça me met. Et ça. J'ai envie de poser une question aux éminents chroniqueurs. On dit plus chroniqueurs. Chroniqueurs, c'est comme ça. Ouais, mais c'est fini, il y a eu MeToo. Voilà, on peut plus rien dire. De toute façon, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, on peut plus. Voilà. Ouais. Alors. Fini. Alors, j'avais deux trucs. Genre, je voulais parler de Liam Rosenior, qui est un petit peu l'artisan de ce début de saison. Ouais. Et j'avais trouvé un truc, vous allez dire, si c'est pas bien, on coupe et on met en boucle pendant un quart d'heure. Ouais. Liam Rosenior, le nouveau Stéphane. Tu parles des fringues. Il y a déjà le parallèle avec les fringues. Il est bien, il présente bien. Je sais pas si c'est moi, il fait penser. Mais il est beau gosse. Genre, en fait, t'as vu. Il est glamour. Ouais. Il colle plus à ce football entertainment. Ouais. Moi, il me fait penser à Antoine Camboire. Au début, quand il est arrivé, c'était pareil. C'était fraîcheur, foot, ça marche. Et après, ça s'est cassé la gueule. C'est devenu. Ce que je veux dire, c'est que ça fait quelques matchs. Pour l'instant, effectivement, c'est chatoyant, c'est intéressant, on aime bien. Le personnage est sympa. Mais attendons un peu quoi. J'ai mis un temps. Le nouveau Antoine Comboré parce qu'ils ont tous les deux joué à Nantes. Voilà. Et moi, je viens d'avoir un flash qui est absolument. Je pense que ces mecs-là, beaucoup de compagnie, là, c'est les rois du monde, d'accord. Ils ont pas compris, ils ont mis des pieds. Alors nous, on a eu Comboiré, c'était chatoyant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est pété la gueule. Je me rappelle d'un match contre Guingamp, là, le deuxième match contre Guingamp à l'époque. Comboiré, 2-0, mais c'était un 2-2. Il y a peut-être un 3-0, mais le premier match à la Méno, Comboiré, je me rappelle, c'était contre Guingamp, ensuite, c'était 2-0. C'était, c'était incroyable. Vrai, hein, vrai. Ensuite, Furlan. J'aurais pu dire Furlan. Mais cinquième, il y avait Giroud qui dit oui, on a joué contre le Racing, c'était le Brésil. Oui. Et après, chute infernale aux enfers et tout. Moi, je crois que. Oui, d'ailleurs, Furlan, c'est un meilleur exemple que Camboire. Je pense que Rosenior est génial. Voilà, et les deux ont joué. Moi, je pense qu'en mars, Rosenior est en burn-out. Et je pense qu'il est viré en avril et Je pense que Blouko ne se rend pas compte. Le Racing, c'est maudit de toute façon. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux verser les milliards qu'ils veulent. Bon, là, t'es un peu dans la prédiction, je dirais. Prophétie. On a eu Comboiré, on est Stéphane, c'est parti en couille. Tout le monde, tous les gens qui étaient des espoirs pour le foot français, ils sont venus au Racing. Sont morts. Et d'une manière ou d'une autre, c'était pourri, quoi. On a Guy Stéphane, Julien Stéphane. Gilbert, c'était quoi. Franchement, Gilbert Grèce, avec lui, t'étais champion, quoi. Il y a eu des hauts et des bas. Voilà. Mais t'as quand même eu un haut. Il y a eu un haut où t'étais champion, quoi. C'est pour ça, Rosenior, le nouveau Stéphane, tout à fait. Même au niveau fringasse. Là, tu fais mal à beaucoup de personnes en disant ça. Ouais. Bah, les gens qui sont quand même. Qui sont vraiment pas pro Blouko parce que j'aime pas ce terme-là, mais non. Qui croient dans le projet Blouko, quelque part ils croient en Markeller, et tu sais très bien que notre ami Stéphane et Markeller, c'était pas le grand amour, ça s'est fini comme un amour de vacances, un amour sans lendemain. C'était compliqué. Et les gens. Et donc là, quand Stéphane est venu à Leno pour le premier match, les gens qui aiment beaucoup Markeller n'étaient pas spécialement. Ils étaient bien contents d'enfoncer Stéphane. Ce pauvre Stéphane. Qui, il faut l'avouer, avant de venir à Strasbourg, c'était moyen sans plus à Rennes. Mm. Après Strasbourg, ça reste moyen sans plus à Rennes aussi. Ouais, à Rennes, il a gagné la Coupe de France, s'il vous plaît. Oui, il avait quand même une certaine aura, un petit peu. Ouais. De type en devenir, on va dire. Qui avait un potentiel. Ouais, bah du coup, Strasbourg, on l'a bien pour. Strasbourg, on l'a bien calmé. T'as dit un truc, et en fait, moi, j'ai une question, même pas si naïve que ça, mais t'as dit projet Blouko. En fait, j'aimerais que t'expliques. Peut-être donne sa vision du projet Blouko, parce que moi, je serais bien incapable de dire ce que c'est que le projet Blouko. Alors, qu'est-ce que le projet Blouko? Alors moi je suis pas un investisseur, mais je te donne mon axe. Non, c'est ton point de vue, hein. Ton ressenti. Ton pur point de vue. Un premier ressenti, c'est que les mecs ils sont là pour se faire des thunes. Donc, ça c'est bien. Un objectif financier. Mais peut-être qu'ils peuvent reverser dans le poche, non? Non, ça risque pas, mais ça n'a pas réussi. La théorie du ruissellement, ça marche pas. Ah merde! Ça n'a pas ruissellé dans le foot amateur. Non, surtout pas. Et l'autre truc, c'est que vraiment, on sert le club de développement et c'est. Les mecs viennent des États-Unis. Aux États-Unis, dans les sports américains, il y a cette idée de ligue majeure, ligue mineure. Et pour eux, la ligue majeure, c'est la première ligue, c'est là où il y a du pognon, c'est là où on vend. Et les autres ligues européennes, ils les associent à des ligues mineures. Et donc, dans les sports américains, notamment tu fais la draft, tu choisis les mecs, tu les mets dans tes équipes. Alors, c'est des strates souvent de 2, 3, 4 niveaux. Et tu les fais, le mec il est vraiment très bon, tu le fais passer déjà au niveau 2 ou 3, mais s'il est un peu moins bon, tu le développes dans un club, c'est généralement les villes moyennes américaines qui sont des villes où on est à 100 000, 200 000 habitants, donc Oswald, vraiment des villes pas très gros. Ils ont des bâtons rouges. Voilà, c'est des clubs professionnels, c'est des ligues de développement, tu perds, tu gagnes, c'est pas le sujet, le but c'est de développer le joueur, il n'y a pas d'attachement local particulièrement à l'équipe. Et après, tu le fais monter dans la grosse équipe, qui est l'aide. Et c'est, je pense, leur vision du football, de Strasbourg sert de club de développement, trouver des bons joueurs, et en faire monter, ne serait-ce que 1 sur 10. Absolument. Mais ils n'ont pas tort de considérer, ils ont raison de considérer la Liga comme un championnat quand même très très moyen. Enfin, moi je sais pas quel est votre point de vue, moi je trouve que c'est un mauvais championnat. Pire, toi, ils auraient pu choisir. La Slovénie, oui, d'accord. Ils auraient pu choisir les Pays-Bas, le Portugal, qui sont quand même des championnats pas mal. Le Portugal a plus de palmarès en Coupe d'Europe que la Liga, pardon. Ça rapproche, mais il y a les Pays-Bas, il y a la Belgique, il y a des championnats intermédiaires, quoi, sans parler du cas un peu plus exotique. Mais ils auraient pu prendre là-dessus, mais ils se sont dit quand même, on prend la Ligue 1. Alors, je pense que c'est quand même encore vrai. C'est, en termes de niveau, c'est à peu près le sac. En niveau domestique, je te parle pas au niveau Coupe d'Europe, effectivement, c'est lamentable. Mais dans leur logique, moi, je pense que c'est un bon choix, en fait. Et en plus, Todd Boehly avait dit, si c'est pas lui qui chante le Racing, qu'il prenait Strasbourg parce qu'il était intéressé par la Bundesliga. Ce qui est génial. C'est vraiment été dit. Moi, je trouve que c'est une des meilleures façons de se faire accepter dans l'ordre. Écoutez, nous, on a pris Ajaccio parce qu'on vise la Serie A. Oui. Tu vois, on est sur le génie, quand même, en termes de... c'est un peu... C'est pas très adroit. Pas très diplomate. Pas très... Oui, c'est vrai. Alors, moi, j'ai mon avis aussi sur le projet. Alors, JP Darky, l'avis de JP Darky. Parce qu'en fait, je renvoie tout le monde aux émissions de Radio Ch'tou précédentes, où Ch'troutim a extrêmement aussi développé. Alors, toi, j'ai bien aimé le développement sport US. Strotim était plus sur l'analyse financière, quels sont les investissements. Ouais. Mais c'était beaucoup trop intelligent pour moi, mais ça avait l'air oui. vraiment. Oui, parce que moi j'ai compris ce qu'il racontait, alors que Strotim, je suis pas sûr. Mais je pense que Strotim. Non, non, on ne rigolait pas. Je pense que Strotim, honnêtement, dès le mois d'août 2023, puis septembre 2023, les deux émissions mythiques. Qui ont fait un nombre d'audience de dingo. Hein, alors cette émission, elle est pourrie, n'écoutez pas. Hein, mais si, celle-là aussi sera mythique. Si vous êtes en train d'écouter, mais arrêtez tout de suite. En 2023, il explique déjà tout le modèle. Il explique déjà tout le modèle. Il y a... Voilà, tout est là. Et j'ai oublié, parce que c'était très long, mais c'était... C'est là, c'est dans ces émissions-là. Mais on a effectivement ce concept de... Mais on rajoute le côté US, qui à mon avis est... C'est leur culture. En tout cas, la culture, c'est leur manière d'aborder le sport professionnel. Ouais, ouais. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Je dis pas que c'est mal ou c'est bien. Nous, puisque c'est pas notre culture en Europe, et du coup, c'est compliqué de passer de club où t'étais maître de ton destin et de ta destinée sportive, quitte à pas avoir. On a eu des dirigeants des bons, des moins bons. On a eu des thunes, un peu moins de thunes. C'est pas. Mais on était maître de notre destin. Et là, tu passes à plus maître de ton destin, à être. On a choisi, en quelque sorte, c'est la direction du club a choisi de se remettre. Enfin, de remettre les clés à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est un choix. C'est pas... si tu veux mon point de vue, vraiment, je pense que quand il a vendu, à ce moment-là, Keller, il a accepté un projet qui était trop beau pour être vrai, mais il s'est dit, mais ça doit marcher. Et après, il a dû avaler des couleuvres. Il continue d'avaler des couleuvres. Ouais, mais alors, je pense qu'il a corrigé des couleuvres. Ouais. et du coup, il pourrait, s'il avait un. Il n'est pas très intelligent. S'il a cru. Ouais, peut-être. Il n'est pas très intelligent. S'il avait un peu d'amour propre, maintenant, il pourrait tout simplement partir. Parce que là, c'est trop. Mais je pense qu'au début, le projet qu'on lui a vendu par rapport au club, je pense qu'on lui a vendu un modèle un peu différent, un peu à la Red Bull. C'est ce qu'il n'arrêtait pas de nous dire en interview. Un truc, un modèle ridicule, ce mec. Et en fait, il s'est avéré que très rapidement, on lui a dit non. On lui a laissé choisir le premier coach, on lui a viré son coach. Les choix sportifs, non mais ta gueule. Et du coup, il s'est très rendu compte que ce qu'on lui avait vendu, enfin en l'occurrence acheté. c'est pas vraiment ce pourquoi. Et à mon avis, s'il confond vendre et acheter, c'est sûr que déjà c'est mal barré quoi. Non mais oui, mais ceci dit. Non mais c'est bien. Virer c'est intéressant. Et les choix sportifs qu'il y a pour l'instant. Alors oui, avec le nombre et tout, pour l'instant ça marche mieux qu'avec elle. Hein. Mais c'est, non c'est mais forcément, image. Mais c'est forcément. C'est faux. Alors, Mathéo, si tu prends le bas du panier, tout de suite. Si tu écoutes Mathéo, tu dirais qu'avec Patrick Vieira, tout allait bien parce que c'était déjà mieux. Avec Patrick Vieira, on avait un point de plus au classement qu'on en a avec l'AM Rome. Ah bah alors je retire tout ce que j'ai. Après sur le coup, on avait 10 points, on en avait 6 matchs. Alors il y a une question sur l'AM Rome junior. On en a pas beaucoup parlé, c'était quand même lui un petit peu. De ses fringues. Non, voilà. Si là. Non mais il l'a dégagé. C'est pas le premier. Vieira avait fait pareil. C'est vrai, qu'au début il l'avait dégagé aussi, mais c'est parce qu'il venait pas à l'entraînement. Oui. Et qu'il était peut-être très très mauvais. Et est-ce que du coup Rosenior a la latitude de d'éjecter des pépites? Peut-être. Je pense pas toutes. Mais sur lui, oui, c'est un investissement. C'est le premier. C'est raté, quoi. C'est pas le premier achat beaucoup, par exemple. Si, je crois que c'était le plus gros. Ouais, c'est le plus gros, c'est sûr. Mais je pense que c'est un des premiers. Et je pense que c'est des financiers. Ils en ont déjà fait le deuil. Ils ont dit ils achètent une start-up. La start-up, elle marche pas. Elle s'est pété la gueule. Je m'en fous, j'en ai acheté plein. C'est pas cet actif-là, ça sera un autre. Ouais. Ça sera un autre. Je pense qu'ils se sont bien rendu compte que le mec, ça fait là maintenant un an et quelques, deux prépas qu'il est à Strasbourg et qu'il n'arrive pas. Par contre, tu vois, le choix du gardien, ouais. À mon avis, même si effectivement sur le CV de Petrovic est bien meilleur que celui de Johnson, quand on le fait signer des jours de mercato, le mec il vient à reculons, il veut pas venir, et il le fait jouer cash le premier match. Ça sent les instructions, ça. Et, Alors que Johnson vient de recevoir sur le bord du terrain l'homme du mois. Ouais, ça, c'est extraordinaire. Non mais c'est la honte, c'est pas super smart. Tu fais trop vite sur l'interview d'après match, qui te raconte que ouais, moi je suis quand même content d'être là parce que mon but c'est d'être titulaire à Chelsea. Ouais, non mais c'est. Ouais, c'est ça qu'on est devenu. Il en a rien à foutre. C'est ça qu'on est devenu. Au moins, ils disent ce qu'ils pensent. Et pour le coup, tu peux pas l'accuser de longue durée. Il a jamais dit qu'il voulait venir à Strasbourg. Le projet de Petrovic, il est très clair, c'est qu'il voulait être titulaire en première ligue, il l'a été l'année dernière. On lui a foutu deux mecs devant lui, donc il est numéro 3, il jouera pas de la saison. Il veut pas, on lui dit Strasbourg, Belleville, tout, c'est un club, pas envie. Dernier jour du mercato, Non, mais après, là... il vient et il dit je vais jouer, je vais essayer de donner mon max et je remets pas en cause la le bon état d'esprit du joueur. Je pense qu'il va essayer de jouer du mieux qu'il peut, mais son but c'est de regagner ou de se faire voir d'une super équipe et machin. Mais il avait pas envie de venir. Mais ça, c'est le destin d'un club satellite, puisque maintenant le Racing est un club satellite, donc c'est quelque chose qu'il faut, si on est pour Blouko et qu'on est favorable à ce projet, il faut accepter d'être un club satellite, il faut accepter cette part de domination, cette part de, on n'a pas le choix de respecter certains ordres et certains, certains commandements, et voilà, c'est tout, c'est, Tu vois, avant on disait, ouais, mais soit on est pour, soit on est contre, soit on accepte, soit on accepte pas, mais il faut, un mensonge de Keller, c'est de parler de club frère. Mais club quel air, frère. Mais quel air, de non, mais... quel air est quelqu'un. Non, je veux pas l'entrer par là-dessus, mais non, club mais... frère, ça veut dire qu'on serait au même niveau. Il y a un niveau hiérarchique très clair. Non, en droit des sociétés, c'est mère-fille. Voilà. C'est une filiale, donc c'est. Évidemment. On est en dessous. On n'est pas un club frère, on n'est pas au même niveau. Non, mais quelqu'un n'a pas compris ça encore ou Il y en a qui essaient de ne pas le comprendre. Il y a des gens qui pensent que c'est Racine qui. Non, mais depuis avant, on dit. Ou avant, on disait le projet Blouko, c'est pas clair, on sait pas ce qu'on veut, c'est le bordel, c'est machin. Mais depuis avant, les explications de Roulian le prouvent. Darky disait avant, Strotti m'a expliqué en 25 points le projet, etc. Le projet, il est très clair en fait. Bah oui. C'est clair. C'est juste pour revenir là-dessus. Ça, c'est qu'on sait pour le coup, exactement. Autant sportivement, et on kiffe parce qu'il n'y a pas la lisibilité, puis que c'est un coup bien, un coup pas bien, et les matchs te suivent et se ressemblent pas. Autant là sur le modèle du business, on est un club satellite, on est une putain de filiale de Chelsea, et voilà, et c'est très clair. Donc c'est ce qu'on ne veut pas, certes, et ça rend d'autant plus facile la lutte, la grève, et on y reviendra après peut-être, peut-être qu'il y a un coup à jouer sur l'explication et faire un peu plus de pédagogie pour mieux expliquer le projet des UB et la grève des UB, mais le projet finalement il est très clair. Oui, malheureusement, il est sinistre, il est tout ce qu'on veut. Même si il arrive très clair. Souvent, le projet. Il a été détaillé dans la presse de Jackson avant l'achat. Même avant qu'ils achètent le Racing. Bully l'a clairement dit dans une conférence, dont j'ai oublié le nom, mais c'est trouvable sur Internet, en mars de 2023. Non, c'est TED, la conférence. Non, c'est Todd. C'était Todd, là. Non, c'est TED. TED, parce que Todd était à TED. Et donc, de toute façon, ça, c'est l'avantage. Mais c'est clair, c'est l'avantage des Américains. C'est-à-dire, c'est franco de porc. T'aimes le porc ? Moi, j'aime le porc. Mais ça n'a aucun rapport. Tout le monde, il aime le porc. Enfin, presque tout le monde. Et donc, oui, c'est ça. C'est l'avantage, cette clarté. Et c'est vraiment un avantage. Du coup, la clarté des UB est aussi très claire. Enfin, la clarté est très claire. Ce que les UB reprochent, c'est aussi très clair. Tout le merdier qu'il y a autour, c'est des gens qui font semblant de ne pas comprendre. Tout est clair. Est-ce qu'on est sur une transition, là ? Oui, alors. Allez, on est sur... Je veux dire un peu encore. Mais il est non mais Rosé, oui, il est top. On l'aime bien, ouais. Il est top. Moi, ouais. J'aimerais bien enfin, Rosélior comme ça. Est-ce qu'on réclamerait pas qui parle français? Rosélior d'émission. Rosélior d'émission. Ah bah oui. Ah. Bah oui. Rosélior d'émission. Affronte ce soir Queen's Park Rangers. Alors, le derby de Radio 3-0 pour Hull. Je sais bien. Ah ouais 4-0 pour Hull. Non, 2-1. Ah, 2-1 pour qui? 2-1 à la mi-temps pour Hull. Ah bah voilà. Ah bordel. À Loftus Road. C'est comme si t'hésitais sur système. La méno. Ah ouais, sur quoi le stade de la quoi? Ah mais la méno. Ah ouais, la méno. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Rosélior d'émission, ça c'est fait. Rosélior d'émission, c'est fait. Évidemment. Est-ce que vous voulez parler des révélations de ce début de saison? Peut-être un joueur qui vous a tapé dans l'œil, en bien ou en mal? Ah, révélation, oui, d'accord. Moi j'aime bien. Sur, tu sais, j'ai un truc à vous dire sur je désirais en fait. Moi je trouve que le Suédois, là, le Nanasi, il a une classe. Ouais. Non, mais c'est juste. Pas autant que son agent. C'est juste esthétique en fait. J'ai pas vu encore de maillot d'Anasie, je crois. Si, moi j'en ai vu. Si, il y en avait. J'ai pas regardé. Moi je trouve qu'esthétiquement il est beau à. Je trouve quand il. Élégant. C'est un joueur élégant et l'élégance est rare de nos jours. Donc, Il est juste, il fait pas de chichi. Je crois qu'il a perdu. Il a presque pas perdu de balle. Enfin, je crois qu'il a perdu 2 ou 3 ballons et encore sur tout le match. Effectivement, à partir de la 70e, il en avait plein. Moi, il me rappelle Michael Dorsin. Oh là là là, ah oui. Alors, il était beaucoup moins élégant pour le coup. Dorsin, c'était le boucher de Malmö, ou je sais pas quel. Je crois qu'il était norvégien. Il était suédois, je crois. Suédois, bien sûr. Suédois. School of Instruction. Mais non, mais Nanasi, oui, c'est clairement. C'est... C'est lui un peu le... Moi je trouve, ouais. Bah, on aurait pu dire Johnson pour faire chier les gens. Bah, on peut dire Johnson pour faire chier les gens, alors on dit Johnson tous en même temps, moi, si j'ai, tu veux. Moi j'ai bien aimé... Johnson. Sur les deux derniers matchs, j'ai bien aimé Maurer, hein. Ouais. Mais uniquement sur les deux derniers matchs. Ouais. Parce que début de saison, il avait un peu de mal, là, il... contre Marseille, il fait quand même un très très gros match. Alors d'après un site qui s'appelle RacingStop.com, il est dans l'équipe type de l'équipe, le journal, enfin le journal quotidien. Le journal des mecs qui regardent pas les matchs. Voilà. Il a des notes. Apparemment, pour le coup, il avait du jus au moins jusqu'à la 85. Mais il a fait l'essuie-glace. Il a fait l'essuie-glace, il a un très bon pied gauche, il a donné quand même deux caviar et méga qui n'a pas réussi. Bah, il a fait un gros match contre Marseille. Ça, il met un beau but, il fait une belle passe décisive à Lille aussi. Ouais. Pas mal. Pas bien compris comment il s'est perdu à Lyon, il a pas réussi alors que Lyon était quand même une équipe qui tournait pas très fort, enfin à part la fin de saison ils sont revenus un peu comme ça. Ouais, j'en attendais rien, il y a des joueurs qui ont signé cette intersaison, j'en attendais rien. J'attendais rien de Moreira, j'attendais rien de Le Maréchal, pour l'instant je suis pas déçu. J'en attendais rien de Oscar Pereira, je suis encore moins déçu. Il y a un certain nombre de joueurs comme ça. J'attendrai de Pape Diong, je suis pas déçu non plus. De tous les joueurs qui ont 18 ans, qui viennent. C'est bien, on n'est jamais déçu au moins. Comme on n'attend jamais rien, on n'est jamais déçu. Un défenseur du Havre voilà, qui jouera jamais. Enfin, il y a des joueurs comme ça, comme l'année dernière, j'attendais rien de Bazeya ou des choses comme ça. C'est des mecs que j'attends rien dans l'équipe 1. Voilà. Et je m'attendais rien avec Moreira. Lui, il m'a surpris en bien. Voilà. Comme quoi, plus on en prend, plus on a de chances d'avoir un joueur. Mais moi, je trouve que Nanasi, ça reste. Ouais, je sais pas. Moi, je. Coup de cœur. J'ai pâté. Ouais. Bon, après, mais alors un truc sur Emega quand même, il est incapable de marquer un but, ça c'est clair. Enfin, non, il en a marqué quand même 3. 3 en 6 matchs. Ouais, 3 en 6 matchs qui est bon en fait. Mais largement au-dessus de ses temps d'attente par rapport à la dernière. Mais moi je reviens sur truc sur lequel on est passé trop vite pour moi parce que je serais resté une demi-heure. Ça reste le 3ème but à Lille. Je veux dire, Emega sur ce but-là, il fait deux choses plutôt vraiment intelligentes et je pensais pas qu'il en était capable. Et c'est là que je pense qu'il devrait pas être à mon centre. C'est que d'abord quand Nanasi lui fait la passe en remontant, donc oui. Nanasi récupère la balle de je sais plus qui, et Méga a le mec sur le dos et il cherche pas à prendre la balle et à le niquer, à le dribbler, non, il reste dos au jeu du Racing, donc face à la balle, et il dévie comme les entraîneurs font quand les petits s'entraînent au foot, tu sais, le petit court vers la surface, l'entraîneur se met un peu décalé par rapport au point de pénalty, décale la balle, renvoie la balle pour le petit qui doit tirer. Il fait exactement pareil. Et après, il profite, il contourne son Lillois qui est occupé. Il dit oh, Nanasi à la balle. Donc il part vers là-bas. Et Méga, il part. Et après, pareil, il récupère la balle de Nanasi et il cherche pas à aller marquer. Il embarque le défenseur et Nanasi. Et là, tu te dis ah, en fait, Méga, il a un jeu intelligent. Il peut. Et il faut pas qu'il essaie de mettre des buts. Il faut qu'il se mette dans cette position-là. Le contre-exemple, c'est contre Marseille. En deuxième période, il est lancé dans la profondeur par Moreira. Il y a Bakwa et Diarra qui sont tout seuls dans la surface, il n'y a qu'un défenseur, et plutôt que faire le petit externe, le même qu'il avait fait à Lille pour pouvoir recentrer la balle et on marque dans le but vide et c'est terminé, bah il essaie du pied gauche là de faire, mais ça vaut rien. Et c'est pour ça qu'il faut travailler, enfin je pense que j'en sais rien à ce qu'ils font l'entraînement, j'y connais rien en plus à ce sport, mais je pense que Rosignol devrait travailler ça sur Emega, parce que ça j'ai trouvé ça, pour moi c'est ah, ça y est, Emega a trouvé enfin son rôle. Ça c'était une belle surprise. D'ailleurs dans les DM il parlait qu'il y a Emega a beaucoup travaillé avec l'adjoint anglais de Rosignol, il y a un des adjoints parce qu'il c'est l'armée mexicaine les adjoints, et c'est c'est l'entraîneur des attaquants, donc il y a un entraîneur qui ne par fait contre, ben, là on en revient au sport, on en revient au sport. Yes. Ouais. Non mais pas contre on en revient au sport. Parce que si c'était Petrovic, il serait avec l'entraîneur des kinés, tu vois, où je sais pas. Mais non mais ce que je veux dire, c'est qu'on arrive aussi à une spécialisation des coachs, où il y a le coach de défenseur, le coach de attaquant. Il y a des coachs de touche, il y a les coachs. Les coachs de gardien, le coach de gardien, ça existe depuis longtemps. Oui. Bon, ok. Ouais. Mais là, il y a un coach spécial attaquant qui est un anglais et qui. Ouais, c'est qui était à l'époque genre entraîneur du football ou manager du football, genre un truc, c'était au PSG, un titre complètement ronflant, on n'a jamais su ce qu'ils étaient. On avait un magnétiseur à l'époque, c'était pareil. On avait, c'était pareil. Mais il y avait quelque part, enfin. Non, c'était Leonardo, non, mais je pense c'était Leonardo, non ce que roulait. Ouais. Non mais Roulian a raison, cette spécialisation des entraîneurs. Bah forcément, tu peux mieux préparer l'équipe quand t'as 20 entraîneurs. Quand t'as Gilbert Grèce qui fait tout, genre le petit déj. Bah si tu veux pas être champion de France, si tu préfères être dernier, voilà. Non mais disons que c'est plus le même football, ça devient aujourd'hui difficile d'avoir un coach qui fait tout. C'est vrai qu'il vaut mieux. Et Supercast c'était à l'époque l'incarnation, mais alors, à l'époque lui il était révolutionnaire. Arsène Wenger il faisait aussi il tout. Il était révolutionnaire dans ce qu'il était à l'époque, mais aujourd'hui effectivement, quand tu vois que genre même il y a encore sous Stéphane, on avait genre trois, je crois genre deux ou trois analyses vidéo, alors que Rennes on avait déjà six ou sept. Et pour décortiquer chaque séquence et que les mecs soient préparés, bah, tu te dis, bah oui, forcément, tu as un handicap par rapport au top club. Aujourd'hui, on a Marc Keller qui regarde toutes les vidéos de match. Ouais. Bah écoute, super. Au QG. Franchement. Avec Sabrina sur les genoux. On peut parler des déceptions peut-être. Mais oui, alors quand je dirais révélation. Il y a des déceptions. Bah oui, exactement. De ceux qui jouent alors. Parce que ceux qui jouent pas. Bon, on a parlé de Silla. Ouais. Je mettrais Diarra dans les déceptions. Pas fou, Diarra. Diarra, pas fou. Doucouré, alternatif. Ouais, mais Diarra constant dans la déception, parce que Diarra, si tu regardes, il a, à son poste, il devrait avoir beaucoup plus d'impact. Et ouais. Je trouve que... Il a mis un super but au premier match. Ouais, c'est ce que j'allais dire au tout début. Ok, mais là... Et Doucouré, il a étouffé qui là, Harit ou l'autre? Amin Harit. Ouais. Mais quand tu lis ce que les Marseillais disent, ils disent Amin Harit, c'est de la merde en palette depuis les gros années. Alors, est-ce que... après, j'en connais qu'un, hein. Il écrit dans un endroit que tu connais toi aussi. Tu sais, mon seul repère. Ouais, mais après, Amin Harit, c'est le profil du petit joueur technique, petit gabarit, dribbleur et tout. Là, Doucouré, il se régale, quoi. C'est comme ça, les mecs, qui tripotent la balle. Doucouré, moi, je l'ai pas trouvé bon sur les 5 premiers matchs de la saison, enfin, relativement quelconque. Évidemment, sur ce match-là, honnêtement, il s'est sorti les doigts et en face, il avait sa victime parfaite. C'est tout à fait l'inverse du jeu de Doucouré où il a pu imposer, il s'est imposé physiquement. Clairement, il lui rentrait dedans. Hein, de faut choisir un mec qui est petit dans la cour. Mais c'est ça. Amin Harit, c'est le petit Aminette du joueur de fond. Ouais, mais qui va vite. Ouais, qui va vite. Ok. Déception. C'est une vraie déception. Alors Doucouré et Diarra, effectivement, c'est bien voilà. Parce que c'est des joueurs sur lesquels, parce que sans Blocco, on les aurait pas gardés. Bien sûr. Bah en dehors des UB, qu'est-ce qu'il y a comme déception? Non, ça c'est la transition pour après. Bah la tribune sud, elle est dégueulasse. Ça chante pas. Non, ça chante pas. C'est scandale. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment, comme je l'ai entendu, une perte d'acoustique du fait que la tribune sud soit ouverte? Je l'ai entendu aussi, ça. Ouais. Et de là où je suis situé, je vois pas la différence, mais bon, en même temps, je suis... Oh, non, pas, je suis pas sûr. Je voudrais demander à Marc Keller. Est-ce que... alors, je continue, genre, allons jusqu'au bout du débat. Au niveau des toilettes, vous êtes... Moi, je trouve que le changement est positif. Ouais, moi aussi. Ah, la déco, renouveler tous les matchs, la déco est superbe, ça c'est vrai. Renouveler tous les matchs. Ouais, tout à fait. La déco est vraiment excellente, ça c'est vrai. Mais non, les chiottes, très bien. Par contre, il n'y a que des 50 en bière. Si on veut une petite bière, ça ne marche pas. Ouais. Tu as remarqué ça? On a commandé. Un joueur qui joue sur une seule jambe, peut-être. Bonjour, je voudrais en 10 ans, en 10 ans, je me suis rendu compte. Mais alors, il n'y a pas de panaché en galopin? Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais être pompette, moi, et je ne comprendrai rien au match. Quand je vais dans les bars, à la Bastille. Mais oui! Oh merde, on n'a pas fait un truc hyper... Un peu, ouais. Ouais, on parle. Pas inclusif. Faut séparer l'homme de l'artiste, si c'est possible, s'il vous plaît. Bon, alors, pas trop de déception, en fait. Bah, les joueurs qui jouent pas, mais c'est trop facile. Il y a quand même des mecs... Oui, non, les mecs, toi, tu t'attends pas. Le maréchal, il joue pas. Bah, c'est quand t'as une armée mexicaine qui arrive à l'intersaison, il y en a fatalement plein qui ne vont jamais confirmer. Mais Belarouche, c'est scandaleux, le niveau de Belarouche. Donc voilà, il y a Mara, pour l'instant, quand il joue, c'est pas terrible. Romain Risser, c'est chier, je pense. Aussi. Voilà, il n'y a pas non plus... Caleb Willey, il est blessé, donc on va pas en parler. L'arrière gauche américain. Ah oui. J'avais oublié, Oui, bien sûr. Et donc, du coup, mais il s'est fait piquer la place par Moreira, donc je suis pas sûr qu'il va revenir. Bah, là, c'est dur. Ouais. Là, ça va être compliqué. On a le choix sur le banc. Dion, qui joue pas non plus au milieu de terrain, il a joué aussi le premier match à Montpellier depuis. Il a mis un match en but en amical aussi. Ouais. Il me semble. À Colmar. C'est fort possible. Mec, tu bosses tes fiches, toi. Non, j'y étais. Ah. en plus, tu fais du terrain maintenant. Ah ouais. Wow. Okay, du coup, on va enfin arriver. Alors là, genre, je vais être assez magnanime. On est à 1h11, 35, 36, 37. Ouais. On peut faire 15 minutes. Et on aurait pu compter. C'est l'heure de la grève, c'est ça? On a le droit à un quart d'heure sur la grève. J'ai appelé cette rubrique la majorité silencieuse. Que pense-t-il? Bah, vous avez 15 minutes. Moi, j'ai envie de vous faire une petite métaphore entre le football et le cinéma. Filons la métaphore. Allons-y. J'ai l'impression qu'on a vraiment deux publics différents au stade de la mêlée. Comme on a souvent plusieurs publics au cinéma. Mais au cinéma, t'as le choix de regarder le film que tu veux. Et il n'y a pas les mêmes films qui sont vus par le même public. J'ai l'impression, je vais schématiser, que la majorité silencieuse a envie d'aller regarder tous les produits hollywoodiens calibrés, les blockbusters, les trucs où c'est de l'entertainment. Moi, j'ai une journée de merde au travail, je vais au cinéma, je veux me laver le cerveau, je veux regarder un truc facile à voir. Ça coûte des millions à produire, ça coûte des millions et ça rend des millions derrière, il y a du pognon, mais c'est pas vrai. Et il y en a d'autres qui disent, le cinéma, c'est le 7e art. Je le vois ça d'une manière quand même... Les gens vont s'intéresser au scénario, il y a plein de gens qui regardent pas quand il y en a un film, genre le plan de caméra, est-ce qu'il est incroyable, le travelling et tout. Plein de gens ne remarquent même pas ça. Ils regardent l'histoire, le scénario, l'acteur, est-ce qu'il est beau, elle est belle, il y a une scène de cul ou pas, c'est intéressant. C'est intéressant. Et il y a des gens qui vont regarder le cinéma comme des esthètes en regardant, putain, ouais, t'as vu ce mouvement de caméra, putain, ce dialogue, cette émotion, enfin, ils vont regarder autre chose. Souvent, c'est le cinéma un peu particulier, arrêt d'essai, qui peut être chiant au vu du premier public. Oui. Et, voilà. J'ai l'impression que dans notre football, on a quelque part des gens qui sont vraiment dans le résultat, dans l'immédiateté. Le foot, c'est devenu du business, il faut beaucoup de pognon, donc c'est la course à l'échalote, il faut de plus en plus de joueurs, de plus en plus cher pour essayer de faire ça. Il y en a d'autres qui disent, le football, ça peut être autre chose, ça peut être encore différent. Et du coup, c'est deux mondes qui, à mon sens, sont incompatibles, et c'est bien pour ça que la décision des ultras de faire 15 minutes de grève, elle a fracturé le public strasbourgeois, mais vraiment, à un point que je l'aurais pas imaginé. Mais ça, c'est intéressant. Et que du coup, je les trouve résolument incompatibles les uns les autres. Parce que 15 minutes de grève, en fait, j'ai l'impression que les UB qui font 15 minutes de grève ou des banderoles ou des actions, ça fait 20 ans, puisque souvent le Racing a eu des déboires avec différents propriétaires, différents investisseurs, etc. Et en fait, c'est la première fois qu'il y a une telle cassure qui se matérialise. Donc ça, c'est intéressant. Autant dans le passé, il y avait des gens qui râlaient, mais c'était vraiment... Apollo, je me permets de rebondir. Dans le passé, il n'y avait personne qui allait à la maison. Déjà. Il y avait grève permanente. Non, mais tu as raison, parce que quand tu as dit ça, j'ai vu, je me dis, c'est quoi la dernière fois qu'il y a eu grève Jaffar, tout ça. 6-7 000 personnes officiellement à la vélo, souvent moins. Les ultras qui faisaient leur petit cousin dans le coin. Quelques passionnés qui viennent quoi qu'il arrive, et la majorité des gens qui s'en foutaient. Oui, c'est vrai. Mais c'est là où la majorité silencieuse n'est plus si silencieuse que ça, en fait. La majorité, en tout cas, une grande partie du public s'informe, ou en tout cas, l'idée. Il faut s'informer, monsieur. Et moi, je trouve ça qui va sur les réseaux, etc. Et qui a un avis, et qui le donne, en fait. Moi, je trouve ça très bien que justement les gens y râlent, parce qu'ils ont. Enfin, chacun est libre de s'exprimer, alors certains font. Ouais, mais du coup, tu râles les uns contre les autres, et le risque, c'est que, dans ce que t'explique Roulian, c'est que, en fait, tu catégorises, enfin, c'est le risque, c'est de catégoriser là où, c'est évident, mais le foot doit. On est tous là pour la même chose, et on est tous là pour le Racing et machin. Exactement. Mais c'est peut-être idiot, bisounours, non, machin. Mais c'est là où finalement le risque, c'est d'aller contre la cause et contre Boucault en clivant. Alors si le but c'est de cliver pour faire parler, ça marche. Mais si le but c'est de cliver en montant les uns contre les autres, je dirais malheureusement ça marche aussi. Moi là où je suis dans la tribune un peu sur le côté, dans la tribune ouest, c'est vrai que quand je vois les capos qui prennent le micro et que ça siffle, ça fait chier. Ça fait chier, ça fait mal au cul, putain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qui a été raté pour que cette partie-là du public se dise, mais non, de toute façon, ça sert à rien, de toute façon, Blouko partira pas, et allez-y, et chantez, et nous, on veut du spectacle. Alors, là, vas-y. Où tu dois? Non, toi d'abord. Non, vas-y. Allez, je sais pas. Non, moi, je voulais juste chanter. Je voulais juste chanter. Non, je dure les uns contre les autres. Non, mais est-ce qu'il y avait eu ça? Ce qui est compliqué, non, je suis d'accord avec toi, mais ce qui est compliqué, complètement d'accord en fait sur tout ce que tu as dit, et ce qui est compliqué, c'est que D'une part, je trouve que c'est une réussite la grève parce que tout le monde en parle tout le temps. Ah oui. C'est... Clairement, si c'était passé bah, comme à l'époque, grève, mais de toute façon les autres ne font rien, personne ne fait rien, on attend que ça passe, puis ça démarre, personne ne le remarque, finalement ça n'aurait aucun intérêt. Bon, enfin pas aucun intérêt, mais ce serait un témoignage. Bon, voilà, c'est important aussi. De... Mais c'est vrai que c'est quand même très frappant que ça devienne d'une agressivité. Et je parle pas des réseaux sociaux parce qu'on s'en fout des réseaux sociaux, c'est pas des vrais gens. Mais au stade, il y a une agressivité. C'est des vrais gens. Non, mais moi, tu sais, dans la vie, les gens, et s'ils lisent sur Twitter, ils pensent que je suis un type hyper sophistiqué. Par exemple, tu vois, parce que j'ai des auteurs. Mais bah, dans la vraie vie, vous voyez. Mais t'es pas un abruti quand même. Non, mais bon, ce que je veux dire, c'est que ce qui est vraiment dommage, et je sais pas, moi pareil, j'aurais pas anticipé quand les UB ont annoncé qu'ils faisaient une grève de 15 minutes, je me suis dit, à la limite, il y aura peut-être des gens qui vont se moquer, en disant, mais quelqu'un ne rien, parce que mon con, il va pas partir. C'est pas le but, connard. Mais bon, mais c'est pas l'homme de l'artiste. Ce que je veux dire, c'est ce qui est dingue, c'est cette agressivité. On dirait, non, mais maintenant, les gens... on dirait que les UB ont touché à la famille, je sais pas, au bien, puisque ça doit être les seules ils choses qui intéressent les gens. Ils ont touché une corde sensible. Ils ont touché une corde sensible des gens. Oui. Les UB s'expriment par le silence. Alors j'ai deux choses à répondre à JP. Ah oui. Et après je. Oui, tu es sophistiqué. Je voudrais dire un mot aussi. Non. Je veux dire, de un, je pense qu'aujourd'hui, on a un mode de fonctionnement. Et tu parles des réseaux sociaux et c'est aujourd'hui tu peux plus. Il y a plus de compromis. En fait, sur les réseaux sociaux, il y a pas de débat, il y a pas de compromis. Le but c'est d'être contre. Jusqu'à l'extrême, même il y a des gens, c'est des professionnels ce qu'on appelle les trolls hein, à l'époque, ouais. Genre pour les anciens. Alors, genre, le but c'est d'être contre et de se moquer de trucs, de pousser le truc. En fait, le débat en lui-même, le fond n'a pas d'importance, c'est la forme. Mmh. C'est le débat, la moquerie, la mascarade. Voilà, ça c'était la première chose. Donc du coup, en fait, on est sur des trucs clivants. On peut même, alors, on pourrait dériver en disant qu'en politique, c'est pareil. Si les résultats des élections sont ce qu'ils sont, c'est parce que les gens ont besoin d'avoir un avis tranché et qu'on appuie sur le centrisme. Ouais, alors qu'on aime bien le centrisme. Ultra-centrisme. Le centrisme est un néofascisme. Roland Riss. Le centrisme est un néofascisme, je répète. Le centrisme est un néofascisme. Voilà, enfin une parole pondérée. Enfin un peu de pondération. Et la deuxième chose, je pense que c'est peut-être la première fois qu'à Strasbourg, on a une contestation envers une direction alors que les résultats sportifs suivent. Ça, c'est vrai. Alors, généralement, qu'est-ce qui a déclenché, généralement, lire de la méno ou des supporters, des fois des deux, mais souvent de la méno, c'est les défaites, c'est les descentes. Là, l'équipe tourne, donc il y a toute une partie du public qui ne comprend pas pourquoi on combat une équipe qui tourne, puisque la finalité du club, c'est de gagner des matchs. Donc, tant qu'on gagne des matchs, tout va bien. Là, les ultras ont pris une position vachement radicale en disant même si ça gagne, que ça gagne ou que ça gagne pas, ça ne change rien au fond du problème qu'est la multipropriété, qu'est d'être les putes de Chelsea, qu'est qu'on nous raconte des salades à longueur d'interview bidon ou bidonné par Marc Keller. Donc voilà, deux points de réflexion. Juste un truc, tu as une expression qu'il ne faut pas utiliser parce qu'elle est fausse, c'est de dire les UB contre l'équipe. Après, t'as expliqué Blouko. Les UB, jamais contre l'équipe. Enfin, je les connais pas, les mecs, mais à mon avis, ça m'étonnerait beaucoup. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé la saison dernière en Bundesliga, où il y a eu un problème. Donc, la Bundesliga, je vous rappelle que les clubs de foot sont gérés d'une autre manière. Il y a la fameuse règle du 50+1, et où le rôle des fans est... Voilà, ou en tout cas, ils appellent les clubs de tradition, c'est quelque chose de très important. Et il y avait des problèmes de diffusion aussi, avec les diffuseurs. Et où les ultras de toute l'Allemagne se sont unis et ont fait des actions bien plus radicales que 15 minutes de grève. Ils ont interrompu les matchs, jeté des fumigènes, des balles de tennis, des voitures télécommandées. Très bien ça. Et ils ont réussi à faire infléchir le diffuseur des matchs et la ligue notamment pour changer ces choses-là. Est-ce qu'on a entendu le grand public allemand dire c'est intolérable le grand public Et pourquoi le public allemand il a pas dit ça? Parce que publiquement, c'est un public de football. Mais là, tu touches à un point fondamental, c'est que par rapport aux voisins, on va dire, européens, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, la France est le seul pays où le foot n'est pas une passion nationale. C'est quelque chose d'important, c'est un divertissement important, mais ça reste un divertissement. Ça, c'est une passion pour les supporters, les ultras, un noyau de gens qui vraiment est passionné de ça. Mais c'est pas un truc. En Italie, tu vas, tu discutes avec n'importe qui, la mamie de 85 ans, elle va te dire mon club, c'est ça. Même si elle va jamais au stade, c'est quelque chose qui est dans la culture du pays. En France, ça reste un truc assez léger, le football. Et donc, ça explique que en Allemagne, il y a une émulation avec des affluences, avec l'émulation qui fait que le public suit et qu'il y a une culture foot, y compris, alors que ces gens au Racing qui sifflent ou qui machin n'ont pas de culture foot, c'est des spectateurs, c'est des consommateurs, c'est des gens qui aiment le foot mais qui ne sont pas imprégnés de ça comme une passion. Il y a le foot passion et le foot loisir. Et je pense que c'est le rapport à l'argent que moi je vois complètement différemment. Ah peut-être. En Allemagne, ils ont quand même encore, ils se disent, il y a une certaine valeur morale dans le football où certes le football est professionnel, il y a de l'argent, il y a des clubs qui ont beaucoup d'argent, par exemple le Bayern Munich évidemment est un club très riche machin, mais ils ont toujours en tête se dire les rentrées d'argent, ok la télévision c'est un mal pour un bien, il faut diffuser les matchs pour que les gens regardent et parce que ça nous ramène des thunes, mais c'est pas la rentrée d'argent numéro 1. Ils vont vendre des kilotonnes de maillots, ils vont vendre énormément les buvettes qui sont fondamentalement moins chères que tous les autres championnats européens. Ouais. Dans l'idée, je vends plus en volume mais moins cher en truc, pour quand même reste un truc qui est un accès populaire et un, donc ils ont un accès à l'argent et un rapport à l'argent dans le football qui est quand même différent. Qu'on peut peut-être un petit peu en Italie, mais pas du tout en Angleterre ou en Espagne, où là, ils sont déjà passés au foot business à 2000%. Alors en Allemagne, ils ont quand même encore freiné un peu ça. Et nous, en France, on est en train de suivre le modèle anglais. Oui, et les Allemands ont leur propre modèle économique. Oui, mais alors là, il faut l'argent. Là, c'est super important parce qu'avant, tu as parlé du 50+1 en Allemagne, qui est un modèle. Et a priori, la grève, en tout cas le mouvement l'an dernier, c'était en défense de ça. Mais ça, il faut expliquer que ce c'est parce que ça, c'est fondamental. Ça veut dire qu'en gros, on peut pas avoir d'investisseur extérieur qui arrive, qui met le pognon. Je prends le Bayern de Munich, je prends Karlsruhe, je prends tel le club, Hertha. Je mets le Hertha, je mets sur la table un max de pognon et le club est à moi parce que il y a une règle où en gros, t'as une association mère. Support qui fait que ça limite 50+1, ça limite le fait que au maximum un investisseur extérieur peut arriver et prendre 50, ne peut prendre 40, que 49 ne peut prendre 50 que, ne peut prendre que 49% du club si je résume en bien. En vrai non, c'est 49, enfin oui mais oui. Ouais, voilà. 50 moins 1. Mais oui. Et c'est plus de moins vrai vu qu'il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Vu que l'Allemagne est aussi pervertie, il ne faut pas. De point de vue de la structure juridique des clubs, c'est un des seuls, c'est peut-être même le seul pays au monde où ça existe. C'est un truc qui est vachement mafieux. Alors qu'en Allemagne, il y a un truc, il y a l'assemblée annuelle des. Parce qu'en Allemagne, tu peux être non seulement abonné supporter, mais tu peux être aussi Mitglied. Donc c'est-à-dire, tu peux aussi être supporter. T'es membre. T'es membre de l'association support. Et tu as, en ce sens, droit à une voix lors de l'assemblée. Et donc, ce qui fait que, c'est là où t'as effectivement raison. C'est pas du tout le même modèle qu'en Angleterre, qu'en Italie et même évidemment en France. Où les Anglais étaient vraiment, c'est un vrai pays de football. On voit dans les divisions inférieures, il y a beaucoup de gens qui, mais ils ont quand même tout vendu. Sur l'hôtel du business, ils ont vraiment renoncé à tout. Suffit d'aller voir si les gens veulent aller faire un tour à Arsenal, voir un match, ou à Chelsea, ou dans tous ces grands clubs anglais que tous les gens fantasment. C'est clair. C'est un mouroir, c'est nul à chier. Vous vous emmerderez. Allez plutôt voir Fraude, QPR ou des choses comme ça. Vous pouvez encore trouver du vrai foot. Et à Bernabeu ou à New Camp, même si en ce moment il est en travaux, c'est la même chose en Espagne. Il y a quasi plus de vrais supporters. Tout a été mis dans l'équipe première, dans le pognon, dans l'investissement, avec des résultats. Les deux meilleurs championnats sont évidemment l'Angleterre. En termes de résultats purs, J'ai envie de te dire, vu le pognon qu'ils investissent, heureusement qu'ils ont un retour sur investissement à un moment donné par des résultats sportifs, quoi. Mais c'est pas pour autant que la Bundesliga, c'est un niveau merdique. Au contraire. Non, parce que... Au moment où on enregistre l'émission, le PSG joue... Arrête. Et se fait tanner 4-0. Non, je rigole, je sais pas. Ça se passe pas très bien, ne mange pas. Ah ouais. Alors, je ressens... Faut pas le dire. Ils sont publiés dans un an. Je ressens... Brest a gagné 4-0. Ah, faut pas le dire à l'antenne, c'est si, ça. Si, faut couper, sûr, du coup. On est en direct, hein, c'est vrai que. Stuttgart, Sparta, Prague. Un partout, pour info. Hein. Là, donc, cette majorité silencieuse, pour finir, pour clore le débat, parce qu'on a à peu près passé le quart d'heure. Ouais, de... Majorité silencieuse, faut arrêter de dire ça. Il n'y a pas de majorité silencieuse. La majorité de la Méno ne siffle pas les ultras. La majorité de la Méno ne fait pas grève. La majorité de la Méno vient au bâche, discute avec son voisin, prend une bière, voilà, Redzel. Genre moi, je gagne 1€. Peut-être que je me trompe, mais j'ai envie de croire que. Ah bah 100 balles et un mars, ça marche. Ceux qui sifflent, comme tu dis, les capots, c'est les mêmes qui sifflaient l'entraîneur quand vers un match. C'est les mêmes qui sifflent les joueurs. C'est les mêmes qui sifflent certains joueurs pour des raisons particulières. Enfin voilà, c'est des cons. Et il suffit. De toute façon, si tu viens dans un stade de foot pour siffler, oui, le mec, c'est que tu t'es un petit peu trompé de truc, tu peux aussi regarder. Mais c'est la liberté. Non, mais en fait, t'as une temporalité totalement différente. C'est que les UB se battent pour un football avec des valeurs et le football qu'on souhaite, etc. Et le spectateur vient et t'as un aléa sportif, en fait, qui fait que bah, c'est ça qui va faire que ils vont pencher d'un côté, ils vont siffler ou ils vont applaudir. Et en fait, ça, les UB ne le maîtrisent pas. Et là, tout ce qu'on vient de dire, c'est que bah, ça tourne plutôt bien. Et donc, caramba, quoi. Mais ils n'ont pas à maîtriser. C'est très bien qu'il y ait des gens comme ça au stade. C'est formidable. C'est juste gênant que ces gens-là ne tolèrent pas que des gens aient une autre opinion, l'expriment de manière non violente, de manière très calme, reposée, avec explication aux joueurs et au staff. C'est quand même délirant. Ils ne le tolèrent pas parce qu'ils pensent que dans le prix du billet, il y a l'animation du billet. C'est ça. Et ils pensent que c'est un truc de, je sais pas, pour eux, c'est une insulte de dire que c'est des syndicalistes, après, les UB, etc. Ben, excuse-moi, oui, ils luttent pour un certain nombre d'idées et de valeurs. Et c'est pas nouveau. Et en plus, c'est pas nouveau. Ah, c'est avec l'actionnaire du moment, ça a été contre d'autres actionnaires, ça a été contre la Ligue, contre les retransmissions télé, il y a eu un certain nombre de. Mais bien pour sûr. La légalisation des. Donc c'est pas toujours con de passer pour la légalisation c'est, des. Tu dis, c'est pas le combat qui gêne, c'est le fait que, en fait, qu'on prive d'une partie de l'expérience raciste. C'est ça. Mais c'est la grève des encouragements qui cristallise toutes les trucs. Il y aurait eu une banderole par match pendant le premier quart d'heure systématiquement avec des encouragements, il n'y aurait pas de débat. Il y aurait 2-3 mecs isolément qui nous diraient « Ouais, ils en ont pas marre de faire une banderole tous les matchs. » Il y a trop de drapeaux, tout ça. Voilà. Mais ça serait... Voilà. Ce qu'il y a aussi... C'est le fait est, ils se disent, pour eux, c'est vraiment la décision la plus radicale qui aurait pu être prise, c'est de dire la fonction même du supporter dans le stade, la fonction même du supporter ultra encore plus, c'est d'encourager son équipe. Et le fait qu'il renonce à ça pendant un sixième du match, pour certains, c'est scandaleux. Il y a aussi le fait que, c'est peut-être un point dont on n'a pas parlé, mais il y a aussi une partie du public qui n'est pas forcément contre les UB par rapport à cette histoire de grève, mais il y a aussi une partie du public qui adhère à une autre vision, c'est-à-dire les UB, c'est football populaire, stop business, etc., club familial, machin. Il y a une partie du public qui adhère au fait... à ce football, business, divertissement, bling-bling, les stars, les maillots, les investisseurs, l'étranger, l'attrait justement de ces joueurs qui arrivent. Bling, voilà, c'est la fête, c'est... Puisque Marc Keller... Il y a aussi une adhésion. Il y a une adhésion à un autre modèle. Forcément, il y a forcément une adhésion quelque part. Oui, je suis d'accord. Super Ligue européenne. C'est pas juste des gens qui. Ça les fait chier de pas avoir les encouragements. C'est des gens, en fait, eux. Ils aiment aller au cinéma et voir que des blockbusters. Ouais, mais c'est très bien. Et ils ont la. Avant, peut-être, ils fermaient leur gueule, ils allaient voir leur blockbuster, et puis, sauf que maintenant, ils vont devant les mecs, ils vont voir de la RDC, bande d'enculés, enfin, moi, je vais voir des blockbusters, vous me prenez pour un beauf et je vous emmerde. Et là, c'est pareil, les UB, c'est, vous êtes des des traditionalistes, des réactionnaires, des passéistes, le foot d'antan, machin. Moi, j'aime le foot moderne. Moi, j'aime le foot avec du pognon, avec des investisseurs qui arrivent. Et je vous emmerde. C'est ça, cette idée. Je pense qu'il y a vraiment un côté. Je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais on n'a plus beaucoup de temps. Mais ça, c'est un malentendu que j'ai vu aussi. Les gens qui disent ah oui, et il y en a certains qui leur ont répondu, et ça je pense qu'il faut surtout pas, c'est des procès d'intention, il faut pas répondre aux procès d'intention. Il y a des gens qui disent bah oui, mais vous les UB, vous dites que les 25 000 autres sont des clampins. Oui, les UB, c'est un peu ça. Ouais. Mais nous on vous emmerde, les clampins, on est plus nombreux, on a bloqué. Mais j'ai jamais vu un seul communiqué des UB ou une seule communiqué. Après, je dis pas tout. C'est un peu long pour moi. Tu débutes aussi dans la lecture. C'est ça. Mais j'ai jamais. Les mecs s'imaginent un mépris qui existe mais qui n'est jamais exprimé. Donc. Ouais. Radio Chou, on méprise tout le monde. Ah, mais ça, c'est clair. Mais nous, on vient, on se nourrit de ces. D'ailleurs, toi qui nous écoutes, on t'emmerde. Non, mais c'est complètement dingue quand même. Que les UB doivent se justifier de trucs qui n'ont jamais. Mais ils n'ont pas à se justifier. Mais ils n'ont pas à se justifier, c'est pour moi c'est la loi du je sais pas de la. C'est comme mais de toute façon vous faites grève et vous mettriez qui à la place? Mais c'est pas le les UB disent qu'ils sont contre le concept de multipropriété. Période, point, punct. Période. Pardon. C'est tout. Et pourquoi il y aurait à justifier tout ça? Et du coup ils l'expriment par une grève, encore une fois, calme, non violente et polie. Et c'est les autres qui. Et d'autres gens s'énervent, se sentent agressés dans. Ah bah il n'y a pas à répondre, effectivement. Il n'y a pas. On dirait que les UB sont rentrés dans leur jardin et ont chié dans leur pot de fleurs. Enfin, c'est exactement ça, quoi. Alors que ça, c'est ce que fait Hugo le lundi matin, c'est la meilleure que. Mais moi je trouve quand même, les UB, c'est pas une critique, mais ils sont peut-être un peu trop gentils à ce niveau-là, c'est qu'effectivement, faites la grève, vous avez le droit de faire la grève. Enfin, moi j'étais UB pendant des années, on fait la grève, mais on vous emmerde, les autres, là, qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous. Qu'est-ce que vous les faites chier. Moi je sens une vraie, véritable fracture quand même. Bah puis, tant pis. Ouais, mais. Aller contre. Vous n'êtes pas. À un moment donné, temporiser le truc. Exactement. En disant de ne pas non plus. Voilà. Mais vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas les gardiens du temps, vous n'êtes pas. Il y a des limites à ne pas franchir. Qui ont été franchies au match de Angers. Et qui ne l'ont pas été, qui ont été annoncés au micro. Au match d'Angers, il y a une des banderoles qui a été tendue dans la tribune, où des personnes ont voulu s'opposer physiquement aux personnes qui tendaient la banderole. On n'a pas le droit de s'exprimer alors. Voilà, donc là, la limite a été franchie, c'est ce qui a été dit au micro du match contre Marseille. Ouais, genre, on tolère que les gens chantent pendant les 15 minutes, on a bien vu que c'est un échec, hein. Il y a eu deux mini-chants, voilà. On tolère, c'est aucun. Tout le monde peut avoir un avis différent. Par contre, quand nous on s'exprime, on n'a pas à venir nous empêcher de s'exprimer. Oui. Donc là, la limite a été vraiment franchie, mais pour autant, je pense qu'il faut laisser les gens penser ce qu'ils veulent. Je pense qu'on n'arrivera pas à convaincre tout le monde. Peut-être que le temps donnera raison. On s'en fout surtout, non? Mais par contre, dans la culture ultra, il y a quand même l'aspect, on tient notre tribune, quoi. Notre tribune, c'est notre territoire. C'est chez nous. Sauf que la tribune est oui, non, mais maintenant ça a changé, d'accord, mais maintenant un groupe ultra qui tient pas sa tribune dans la culture ultra, ça pose problème, quoi. Ouais, mais je pense qu'on n'en est pas là. Non, mais si vous commencez à être contesté sur votre territoire par rapport aux banderoles, par rapport aux chants, par rapport à si, c'est là où le groupe est en difficulté. Après, je sais qu'il y a une tribune qui est autrement configurée qu'à l'époque. Mais en tout cas, on est parti pour durer pendant un certain temps. Ouais. Le prochain match à domicile contre Lens, on termine par un pronostic, yes. Ouais, voilà. J'allais dire qu'on allait durcir à travers le temps. On a encore deux heures, c'est ça? Deux heures d'émission. Le Racing affronte le Racing pour un deuxième match de suite à la Mélo. Toujours difficile, la passe de 2. Vos pronostics, moi mon pronostic personnellement c'est 12-0. 13. Moi je vais faire un 0-0 puisque Liam Rosenor va se muter en Thierry Loret. Il est en train de muter, il a commencé sa mue. 0-0. Alors moi je. Très bien. Est-ce que. Comment il s'appelle ce con? Thomasson joue toujours à Lens? Ok. Enfin, il est à Lens, est-ce qu'il joue? Je sais pas. Je sais pas. C'était juste une question pour gagner du temps. Alors, moi je dirais 4-3. Pour un Racing. 4-3 pour un Racing. Voilà. Moi je dirais 10-0 parce que j'étais à ce Lance. Ah oui. Alors, le Frérico. Oui, mais... Le Frérico. Le Frérico. Dédicace à Calcio. Calcio aussi. On pense à toi. Non, bah 2-0, évidemment, doublé des mégas. Voilà. Oh, premier doublé. Évidemment. Le toi, tu as dit 10-0 ou 13-0. Je non, je, alors 13-0, mais je me suis ravisé. Je vais dire plutôt 0-0. Comme, parce que 0-0, c'est le score qui fait l'identité du football. C'est le seul sport où tu peux jouer pour ne pas perdre. C'est le seul sport collectif. Et moi, je trouve que le 0... Bah, trouve-moi un exemple. La réponse à la prochaine question. Au volley, tu peux pas. Au basket, tu peux pas. Au rugby, tu peux pas. Enfin, tu peux, mais tu peux c'est pas. Compliqué quand même. En attendant, le 0-0. Le 0-0. Et ça, c'est le score, justement, anti. On rentre dans un tunnel. Anti-Bloco. Anti-Bisounours, là, qui veut du spectacle. Ouais. Trois partout, machin. Mais des buts. Anti-client. Anti-client. Ils veulent des buts. Mais on leur dit, non, il n'y a pas de but. Il y a 0-0. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. C'est ça qu'on veut. Voilà, 0-0. Sur ces belles paroles, évidemment. 0-0. Allez, allez, Racine. S'il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace, on sait bien que ça ne peut pas être une autre équipe que le Racing. Radio Stop, c'est le stop.